tous les soirs, 20h-23h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde, Mickaël No Limite, là c'est parti, jusqu'à 23h en ce jeudi. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Il a fait super chaud aujourd'hui, hein, et demain ça va être pire. Ah bon? Ouais, plus grosse journée c'était aujourd'hui et demain pour certaines régions, enfin certaines villes surtout. Donc venez nous raconter un petit peu votre journée, hein, comment est-ce que vous avez fait pour avoir un peu de fraîcheur par exemple aujourd'hui, pour survivre. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Eh ben venez nous en parler, parce que même en Chine apparemment, hein, c'est le chaos. Là je vous ai mis une petite photo sur le Facebook de l'émission. C'est des Chinois en fait qui, pour se rafraîchir en fait, sont mis dans une piscine, mais comme ils savent pas nager, ils ont mis des bouées autour. Et donc résultat, tu vois même plus l'eau en fait. Ils ça qui est assez. Nager. Non mais c'est vrai, sérieux. Sérieux. Enfin, ils savent pas nager. Ils diraient qu'ils savent nager, mais ceux qui étaient là, ils avaient tous ces espèces de bouées, des bouées canards, tu vois, autour d'eux. Ouais, c'était bizarre. Donc allez voir. Assez drôle la photo là qui est sur le Facebook. Donc facebook.com/mikl officiel. Et puis hier sur France 3, il y a un flic qui a raconté les pires excuses qu'il a déjà eues. Alors je vous ai coupé celle qui m'a le plus fait rire, hein. On en parlera évidemment d'ici quelques instants. D'ailleurs, venez nous raconter vous les pires excuses là que vous avez sorties depuis que vous êtes en âge de trouver des excuses pour sauver votre fion. Voilà, c'est ça en gros, c'est un petit peu ça. Comment ça va, Tof, en pleine forme ce soir? Mais en pleine forme. Alors quelle est l'excuse, la pire excuse que t'es jamais sortie à tes parents, à la police? Non, c'était une prof en fait. Je lui avais dit que j'étais resté coincé dans une faille spatio-temporelle. Non mais t'es sérieux? Ouais, je suis sérieux. En fait, je suis arrivé en retard et tout, et donc je lui dis ça. Et en fait, elle a pas compris, donc elle y a cru. Mais n'importe quoi. Non, je te jure. Mais une prof de quoi? Une prof d'anglais, hein, je crois. Non, attends, t'es pas sérieux. Français, la prof, ouais, c'est ça. T'étais où, en Roumanie? Non, en fait, j'étais arrivé pour raconter toute l'histoire. Je suis arrivé à l'époque, c'était, j'étais un peu DJ et tout, et donc j'avais des. Il était DJ, mais merde! Il était un petit peu DJ, Oh non, merde! C'est le mec qui met la compil au début de la soirée. Il est merde, mais autre chose maintenant. Tiens, Tof a été DJ. Alors, bientôt dans Party Fun, hein, voilà. Avec Miko, là, Tof en mix. Non, je vais remplacer Miko. C'est ça. Tof Guetta, donc. Voilà, c'est ça. Et donc, j'étais arrivé avec un stroboscope. Je vais pas arriver à la finir cette histoire. Qu'un prof m'avait ramené et donc du coup en fait je lui avais fait croire que c'était ça et donc voilà. D'accord, et il a cru. Bon écoute, tant mieux. Je pense pas qu'au fond elle m'ait cru, mais que tu vois, juste pour pas prendre la tête. Ouais, c'est bon quoi. D'accord. Et Polo, la pire excuse c'est quoi? Moi, un révolutionnaire qui est Tof, j'ai jamais été un petit peu DJ. Là en fait j'avais rendez-vous dans un truc je sais plus comment on appelle une ça. Une école. Non, c'est Pôle emploi. Non, c'est genre une mairie. Un café. Non, c'est à la mairie, je crois, je sais plus, un truc comme ça. Ouais, enfin bref, ouais, ok, d'accord. Et en fait, j'étais arrivé en retard et la meuf a commencé à me dire je sais plus quoi. Et je dis oui, mais ça fait 10 minutes que je suis là. T'as fait un scandale, ouais, genre. Et elle me dit mais arrêtez de mentir, on vient de vous voir rentrer quoi. Mais j'attendais dehors. Mais j'attendais dehors, justement. Elle m'avait grillé et tout. J'avais un peu honte. Ah oui, bah oui. J'avais tapé un gros scandale là, je le fais pas, mais c'était. Oh là, j'étais. Non, mais il vaut mieux pas le faire là. Vous avez jamais vu Polo faire un scandale, je pense qu'on va être fatigué pour la semaine. Sandro, là, c'est quoi les pires excuses? J'ai beau chercher. Je me suis jamais trouvé d'excuses, hein, franchement. Ah ouais, non, ouais, c'est parce qu'il n'est pas capable de se trouver d'excuses en fait. J'ai fait, oui, d'accord, ok, autant pour moi. Bon, on les racontera tout à l'heure là, les pires excuses là, venez nous en parler justement. Il y a le Twitter qui marche évidemment, vous tapez le hashtag MIKL, ça marche également évidemment sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Et on l'attendait avec impatience, ladies and gentlemen. Attention, bon, c'était mon roulement de tambour, mais il est un peu mal. Il est un peu naze. Ouais. J'essaie de faire ce que je pouvais. Hein. Attends, regarde. Voilà, t'es trompé. Ah. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'attendiez avec impatience. Oui. C'est l'événement de cette journée. J'ai enfin reçu la photo de... Ah non, pas du tout, là, de Shanice. Enfin, Shanice, plutôt. Shanice qui était avec nous hier soir, là, je suis en train de la mettre sur le Facebook de l'émission. Alors attendez, plus qu'à petit pousser sur un bouton, la publier, et hop, ça y est, c'est plié. Donc voilà, vous pouvez aller la voir. Alors j'ai eu une grande discussion avec elle parce qu'il y avait des photos que je trouvais bien, des photos que je trouvais un peu moins bien, donc on a fait un mix. Et donc je vous ai mise celle-là. Non, parce qu'il y en a plein qui. Bah, alors Shanice, en fait, on l'a eu hier, elle a appelé son mec pour dire qu'elle faisait gogo danseuse. Son mec l'a très mal vécu, donc du coup, bah, en fait, il l'a dégagé. Donc du coup, elle est célibataire, hein, donc si vous voulez bien son numéro, n'hésitez pas. Ce week-end, elle aura tout le temps. Je parle pas de Shanice, hein, mais de Sandro. Donc vous faites un mail sandro@funradio.fr, vous lui demandez son numéro et puis elle gérera. Le numéro? Non. C'est trop tard, je l'ai mis sur le Facebook. Je vous l'aurai pas le numéro, je le donnerai pas. on verra. Vous allez gérer ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous me laissez tranquille. On verra. Bon, et puis les filles du calme, justement, j'ai aussi un cadeau pour vous, parce que bon, la Chanice, c'est une fille, donc les mecs vont être comme des chiens, évidemment, sur le Facebook et sur le Twitter. Et donc les filles, justement, j'ai un cadeau pour vous, c'est la vidéo de Blurred Line. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était Robin Thicke, c'est ça. Hey, hey, hey. Voilà. Yeah, yeah, yeah. Donc là, il y avait des gonzesses en fait dans le clip, hein, si vous vous souvenez bien. Il y avait que des filles dans le clip de cette chanson. Et puis justement, bah là, j'ai trouvé la version de Blu-ray Line avec que des filles en fait, en l'occurrence là. Avec que des mecs, pardon, je dis l'inverse là. Avec que des mecs. Donc les filles, je vais vous mettre ça sur le Facebook dans quelques instants. Vous allez pouvoir vous faire plaisir et pouvoir aller mater du mal. Voilà. Parce qu'on a tendance effectivement à peut-être mettre que des filles sur le Facebook. Donc voilà, on aura l'occasion de faire ça tout à l'heure. Et puis le meilleur ennemi là qui est de retour ce soir, le seul jeu où votre pire ennemi va vous aider à gagner un cadeau. Alors il faut bien évidemment qu'il serve à quelque chose, le pire ennemi. Bah c'est ça. Il sert à rien, on est d'accord. Oui. Donc le principe, c'est d'appeler quelqu'un que vous détestez pour lui faire une déclaration d'amour. Et vous pouvez vous inscrire évidemment dès maintenant au 01 42 48 5000 pour la France et le 02 851 4x0 pour la Belgique. Je vais te le dire grave, c'est vraiment une belle conne parce que franchement, je sais même pas comment t'as pu penser une seule seconde que j'allais revenir vers toi. Voilà, et ça peut finir comme ça aussi. Bah oui, c'est vrai, il est tellement nasopieux, forcément. Voilà, bah voilà, il est tellement nasopieux. Donc le pire ennemi, justement, on va y jouer ce soir, il n'y a pas de problème. Et puis donc, si vous voulez vous inscrire, 01 42 48 5000 pour la France et 02 851 4x0 pour la Belgique. Et pour être avec nous, le standard, qui c'est qui l'a mis si loin, le standard là, j'arrive fait exprès pour t'emmerder. Attends, parce que là il est super loin. Il y a qui est avec nous? C'est Camille. Salut Camille, 21 ans de Toulouse. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien avec le soleil, parfait. Ouais, mais en même temps vous avez le soleil tout le temps à Toulouse, c'est pas la peine. Bah oui, c'est pas la peine de dire c'est genre c'est un truc exceptionnel. Ça va, on peut s'inventer un peu. Oui, c'est vrai. Alors, en fait, vous faites la fête quand il pleut. Ouais, c'est ça, ouais. Dès qu'il y a un peu de nuages. Ah ça y est, il fait frais. Je sors ma robe. Voilà, c'est ça, je sors directement là sous la pluie parce que le soleil j'en peux plus. Bon, et donc toi Camille, tu nous appelais pourquoi? Alors j'appelle parce que moi je suis 100% hétéro et j'ai rencontré une fille il y a pas longtemps. Ah bah oui. Et depuis on se pose quelques questions. Exactement. Voilà. D'ailleurs donc, on en avait très très peu parlé hier et avant-hier parce qu'à chaque fois on a plus le temps. Mais ce soir, promis juré. Allez. J'irai bien cracher, mais. Sinon Pof m'a promis quand même un petit séjour dans les studios de Fun Radio. Donc attends. Oh là là. Écoutez-le là. Un petit séjour, on va lui mettre un Mac derrière, elle pourra rester une semaine. Ouais, sans problème. Ah, j'ai dit dans le studio. Bien sûr. Bon bah Camille, reste là, on en parle promis tout à l'heure, d'accord? Ça marche, à tout à l'heure, merci. Bon, et puis il y a Samuel qui est avec nous également, 21 ans de Saint-Raphaël. Bonsoir Samuel, t'appelles pourquoi? J'appelle pour parce que j'ai un problème de couple et ma maîtresse me fait du chantage. D'accord, c'est très bien, ça aussi on en avait parlé, effectivement on n'avait pas encore eu le temps d'en parler, mais on va le faire ce soir là. Et puis bah bouge pas de là Samuel, on aura aussi Vanessa avec nous. Bonsoir Vanessa, t'appelles pourquoi? Parce que je soupçonne mon père d'avoir une maîtresse. Ah, très bien. Eh bien, nous allons enquêter évidemment pour toi, Vanessa. Il y a pas de problème. Bah, tu restes avec nous, Vanessa, d'accord? Ok. Bon, et puis ce soir, bah tiens, justement, Vanessa, tu vas peut-être me dire si t'aimes bien. Il y aura notamment Martin Garrix ce soir. Voilà, dis-moi s'il y a un son que t'as envie d'entendre plus que l'autre là. Donc Martin Garrix, j'ai Will.i.am aussi. Voilà, Will.i.am avec Fall Down. Jusque-là, t'as envie d'écouter un truc ou pas? Martin Machin. Tout à l'heure, on aura aussi le son de Calvin Harris, tiens. Avec Thinking About You, je vous passerai tous ces sons évidemment tout à l'heure avant 23h sur Fun Radio. Et puis bien sûr aussi le son de David Guetta que je vous calerai. Et qui va vous permettre aussi de partir direction Ibiza gratos pour aller assister évidemment à cette énorme soirée qui est la Fuck Me I'm Famous. Vous allez pouvoir partir là-bas avec la personne de votre choix direction Ibiza pour faire la teuf toute la nuit évidemment. La Fuck Me I'm Famous, ce sera à gagner tout à l'heure. En plus de ça, je vous offrirai aussi évidemment votre caméra numérique histoire de prendre des souvenirs, bien entendu. Ce sera tout à l'heure. En plus, ce soir, c'est le tirage au sort final. Wow. On saura qui ira direction Ibiza. Tirage au sort parmi les 5 gagnants de la semaine. Enfin, 4 pour l'instant. Et on en aura un 5e, évidemment, tout à l'heure. Bon, ben Vanessa, tu bouges pas de là. Et puis, on accueille Clément avec nous maintenant. Bonsoir, Clément. T'appelles pourquoi, toi, de Toulon? Bonsoir, j'appelle, moi, pour avoir des conseils pour choper à la plage. Pour choper à la plage? Ouais. Tu vas choper T'es où là? Ah, mais t'es dans le Var, toi, à Toulon, d'accord. Mais des filles, on l'a compris. Moi je pensais des méduses. Non, pas des méduses, non, d'accord. Non. Bon, non, mais très bien, mais c'était pour être sûr. Bon, et t'es tellement mauvais à ce point-là en termes de drague? Non, c'est que j'ai pas l'habitude, quoi. D'accord. Bon, écoute, on va en parler dans un instant. Écoute, ça donnera une idée à Tof. Alors, Tof a bien un conseil, éventuellement, c'est les blagues, hein. Oui, les blagues, moi, ça marche très très bien. Tu parles, t'as pêché quoi? T'as pêché des filles depuis? Non. Non, voilà, c'est ce que je me disais alors. Aussi. Bah ouais. Bon, écoute Clément, reste avec nous, on va en parler dans un instant. Tiens, si vous êtes une fille, si vous êtes des mecs tout simplement, venez nous parler et puis surtout venez donner des conseils à Clément, il en attend évidemment. Comment faire pour être le meilleur dragueur au niveau de la plage? Est-ce qu'il faut attendre que la fille vienne? Est-ce qu'il faut faire le premier pas? Est-ce qu'il faut faire style je peux te mettre un peu de crème, enfin tu vois, les trucs un peu à la con. Donc venez nous en parler, 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard, il y a Sandro qui vous y attend et pour la Belgique 02 851 4x0. Et puis on salue également tous ceux qui sont connectés ce soir sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, avec Jonathan qui dit eh oh, on n'est pas tous des chiens comme Tof. Oh bah quand même, avec le nombre de mails que j'ai reçus en disant t'as pas mis la photo de Chalice, c'est dégueulasse, qu'est-ce que tu fais, bah. Enfin bon, il y a aussi Denis qui dit aussi ouais, moi je veux Tof dans Party Fun parce qu'il est un peu DJ. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Mais je serais un peu DJ, c'est-à-dire que je me mettrais derrière Miko et je lui montrerais juste le volume de son casque. C'est ça, mais c'est mieux. Ouais. Brian aussi qui dit 20h, c'est parti pour Mickaël de Limite. Bonsoir tout le monde, bah salut à toi Brian. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour me rafraîchir, je suis allé faire mes courses. Vive la climatisation dans les supermarchés. Ah, pas con ça, hein. C'est vrai, c'est pas con, pour le coup. Tu vas dans les supermarchés, tu profites de la clim gratos. Et puis il y a Amel qui dit, Amel by Night qui dit, je travaille le jardin d'acclimatation. Aujourd'hui, j'étais en boutique. Un vrai sauna, aucune clim. Enfin, si, une clim d'appoint qui refroidit 1 mètre carré pour 4 personnes. Et dans le RER, ils ont zappé la clim à 45 degrés facilement. Ah, bah oui, mais bon, le RER, c'est pour avancer, pas pour être, au frais, quoi. Voilà. Et puis Loulou qui dit aussi, ça y est, je vous écoute, j'espère encore bien rire ce soir. Ah, bon, c'est bien marré hier, hein. J'espère que ça va être pareil ce soir. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Il y a la photo de Chanice, là, la gogo danseuse d'hier, qui est sur le Facebook. Allez voir facebook.com/mikl officiel. On vous attend. Et puis le son de Martin Garrix qui arrive dans un instant. Le jeune DJ de 17 ans qui va démarrer dans un instant. Ce sera sur Fun Radio, évidemment. Mikl No Limit, on est là jusqu'à 23h. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mikl au 74 900. No Limit. Mikl. Sur Fun Radio. Et jusqu'à 23h sur Fun Radio, effectivement, Mikl No Limit. C'est ici que ça se passe sur Fun Radio. D'ailleurs, prévenez vos potes, hein. On est là depuis 2 semaines maintenant, là. Ça fera 2 semaines la semaine prochaine. Donc, prévenez-les. On est là sur Fun Radio tous les soirs. Venez nous écouter. Et puis surtout, prévenez vos potes qu'il se passe quelque chose sur Fun Radio. Voilà, 20h, 23h, je compte sur vous. Prévenez vos potes sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Aussi en allant les voir aussi, hein. Ça marche aussi. C'est vrai qu'après, il y a peut-être qui oublie qu'on peut aussi se parler en vrai. Donc, voilà, n'hésitez pas, je compte sur vous tous les soirs, 20h, 23h, c'est nos limites. Et puis côté Clément là, avec des conseils pour accoster les filles sur la plage, on va prendre ça dans quelques instants. On va prendre des auditeurs et des auditrices qui voulaient réagir au 01 42 48 5000 et donc depuis la Belgique 02 851 4x0. On aura David aussi pour la colle du jour dans un instant. T'es là David? Oui, je suis là. Bon, très bien. Alors la colle, ce sera pour gagner notamment et bien le trip direction Ibiza et la caméra numérique. Ce sera peut-être pour toi si t'arrives à poser une colle et que personne trouve la bonne réponse, David, d'accord? D'accord. Bon, allez, bouge pas de là, on va se faire Martin Garrix, ça te branche? Ouais, je suis là. Ouais, bah tant mieux. Bah écoute, tant mieux. Alors Martin Garrix, c'est ça, c'est Adi Balls sur Fun Radio. Ça va vous préparer à faire la teuf là tout le week-end. Et Party Fun aussi dès ce soir à partir de 23h. Ce sera juste après l'émission. Allez, soyez bien branchés sur Fun Radio, installez-vous bien. Et il y a toujours la photo de Chalice, la gogo danseuse d'hier là sur facebook.com/mikl officiel. A tout de suite. Appelez le 01 42 48 5000. Exactement, le numéro du standard, là. Vous pouvez appeler d'où que vous soyez, en France et en Belgique. Ça fonctionne, évidemment. Et puis, plein de messages aussi qui arrivent, notamment d'Anaïs, qui va envoyer un message sur Twitter avec le hashtag et Mickaël qui dit « Je pourrais pas écouter jusqu'à 23h, mon copain va aller au ciné, c'est chiant. En plus, le film, c'est de la dope, je suis sûr que ça va me manquer. » Ah bah ouais, mais... Alors, t'imagines, il veut te faire plaisir, là, il veut t'amener au ciné. Il se dit « Bon, allez, je vais lui emmener au ciné, ça va lui faire plaisir. » Et toi tu tires la gueule. Alors qu'au final c'est bien parce qu'au ciné t'as la clim. C'est vrai. Ah, le problème c'est que t'as pas l'émission, donc ça. Non, pas tout le temps. Qu'elle prenne les écouteurs sur son téléphone. Ah, ça c'est une idée, ça c'est une idée. Anaïs aussi, cette fois-ci, qui dit je vous adore, continuez comme ça, j'espère que ça va encore bien rigoler ce soir. Angélique, qui dit salut l'équipe, contente de vous retrouver ce soir. Bah, nous aussi, on est contente de vous retrouver, évidemment. Des messages aussi de Chris, qui dit on est parti pour 3 heures de délire non-stop sur Fun avec Mickaël et toute la team. Salut à tous et salut à toi. Et puis, Juju qui dit c'est parti, Mickaël nos limites. Là, on démarre, là, on est au taquet. Yoshi, pareil, qui est content qu'on soit là. Eh ben voilà, on est content d'être là également, donc ça c'est la première chose. Et puis également, deuxième chose, avec dans un instant évidemment, notre ami, maintenant, David. Oui. à David qui est avec nous donc pour la colle de ce soir. David de Sarcelles et qui aimerait bien partir direction Ibiza, David. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être pas mal, je te le confirme. Bon, pour partir à Ibiza, c'est pas compliqué. Il suffit simplement de faire une colle la plus... plus collante possible au final. Hein. Bah ouais, le concept, c'est que les auditeurs n'arrivent pas à trouver la bonne réponse. Et si personne ne trouve la bonne réponse, eh bien, tu partiras, David. Ouais. Si en revanche, quelqu'un trouve la bonne réponse, tu resteras chez toi, bien entendu. D'accord ? Voilà. Bon, le principe est donc très très simple. Tu vas donc te, tu vas donc raconter une colle, expliquer une colle. La bonne réponse sera à envoyer bien sûr, soit sur Twitter, soit avec le hashtag Mickaël, soit sur les SMS. Bon, alors attention, direction Ibiza. Vous allez pouvoir faire la teuf, hein, forcément. Avec notamment la soirée Fuck Me I'm Famous. On va vous envoyer là-bas tout gratos pour un trip de psychopathe. Vous allez aller avec la personne de votre choix, avec les auditeurs de Fun, faire la fête à Ibiza. Mais pour ça, la colle David, on t'écoute. Quelle est la colle de ce soir? Alors la colle c'est: combien de rennes y a-t-il dans une caserne? Combien de quoi? De rennes? De rennes y a-t-il dans une caserne? Combien de rennes? Ah, de rennes, le roi, la reine. Non, des rennes, l'animal. Des rennes, l'animal ou des rennes, le roi, tout ça? La reine, le roi. La reine, le roi. Donc, combien y a-t-il de rennes? Combien de rennes y a-t-il dans une caserne? C'est ça? Ouais, c'est parfait. Ça. Bon, eh ben, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous balancez la réponse sur Twitter, hein, hashtag MIKL espace la réponse, ou alors directement sur les SMS au 60. Enfin, vous débutez le message par MIKL et vous envoyez la bonne réponse au 74 900 pour la France et au 30 et au 63 22. Je vais y arriver pour la Belgique. Bon, j'ai pas compris. Ben, on répète. Combien de rennes y a-t-il dans une caserne? Voilà. Voilà, si vous avez la bonne réponse, débutez par Mickaël le message, vous envoyez la réponse au 74 900 pour la France, au 63 22 pour la Belgique, et bien sûr sur Twitter, et là c'est gratuit, vous mettez le hashtag Mickaël et la réponse. Bon bah David, merci à toi pour la colle, et puis peut-être que tu partiras direction Ibiza si personne trouve la bonne réponse. Hein. Merci. Bah c'est ce que je te souhaite en tout cas. À tout à l'heure David. À tout à l'heure. Bon alors, combien de rennes y a-t-il dans une caserne? Voilà, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Et je vous souhaite bien sûr bonne chance. C'est le retour de Clément là maintenant là, qui voulait des conseils pour accoster une fille sur la plage. T'es toujours là? Oui, je suis toujours là, l'équipe. Ok, très bien. Bon, alors, conseil pour attirer les filles sur la plage. Attends, il y a Sandro qui a peut-être une solution, là? Non, pas du tout, mais... Ah, je sais pas, je te demandais. Non, c'est juste, je vous coupe deux secondes. Qu'est-ce qui t'arrive? En plein dans votre émission, c'est pas la peine de m'envoyer des mails pour Chanice. Je vous répondrai pas, ça va dans ma corbeille direct. Ah non! Non, vous êtes en train de niquer mais ça n'a rien à voir. Non. 222 mails en attente. Ah, quand même, hein? Non, je sais pas. Non, mais je les lis même pas, ça va à la poubelle direct. Arrête. Et en plus, vous allez pénaliser. Ah, tu sais quoi? Livre d'or auditeur, bim. Allez, ça y est, tu vois, donc tu peux pas les mettre à la poubelle direct. Vous serez notés tous dans sadique, dans cochon et tout ça, hein. Voilà, donc j'ai mis la photo de Chanice qu'on a eu hier soir, la gogo danseuse, là, sur le Facebook, là. Vous l'attendiez depuis hier. facebook.com/MIKL officielle, pouvez aller la voir. Elle est plutôt mignonne, hein, donc pouvez aller la voir. Voilà, n'hésitez pas, faites un petit like. Facebook, on est d'accord. Et hein. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, allez discuter avec elle. Non, mais moi je l'ai mise, j'ai mis. Si vous voulez le numéro de téléphone, vous faites Sandro de funradio.fr. Non, mais c'est mort. C'est mort. C'est pas la peine. C'est je note nom, prénom, vos adresses mail. Oh, arrête de faire un peu ton prof là. On dirait qu'on est en cours là. Je note ceux qui sont en retard là, ceux qui arrivent après la sonnette. C'est déjà assez de travail comme ça. Hein. C'est notre prof principal en fait. Mais oui, mais c'est ça, n'importe quoi. Bon, voilà. Donc facebook.com/MIKL officiel, la photo de Chanice est disponible. Vous l'attendiez depuis hier soir, c'est la gogo danseuse là qu'on a eu au téléphone et qui s'est fait plaquer, qui plus est célibataire. Oh. Bah oui, qu'est-ce que tu veux. Il y a Anaïs aussi qui dit non, ça fait chier, je préfère plutôt vous plutôt que le ciné. Bah oui, mais bon, écoute, à faire plaisir à ton mec ce soir, c'est pas grave. Et puis en même temps, on sera de retour dès dimanche, donc pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a, Sandro? Et d'ailleurs, par rapport à Chanice, on a aussi Seb qui est passé hier, tu sais. Ouais. Avec le téléphone rose. Ouais. Qui était chaud bouillant. Il nous a envoyé sa photo, il veut la mettre sur Facebook. Ouais. Non mais comme ça il y en aura pour tout le monde. Bah, qui me l'envoie. Et les filles qui voudront le numéro de Sébastien, vous enverrez un mail. Attends une seconde Clément. Et les filles qui voudront le numéro de Sébastien enverront un mail à mickaël@funradio.fr. Bien sûr. C'est mignon. T'as vu, c'est pas mal. Bon Clément, t'as trouvé la colle, mais par contre faut envoyer le message ou aller sur Twitter pour envoyer la réponse, parce que sinon forcément. Tu peux la dire, mais je te dirai pas si t'as gagné ou pas, et tu gagneras bien évidemment pas, parce que sinon tous ceux qui sont en train de se faire chier et envoyer un SMS ou de d'écrire sur Twitter vont se dire attends, moi j'ai participé, l'autre il arrive comme ça là. T'as une idée? Ouais, okay, y a pas de souci alors. Du coup, il veut pas les aider. Hein. T'as vu comment t'es, Clément? Bon, alors, Clément, donc je disais, donc toi, tu nous avais appelé parce que tu voulais une solution pour draguer les filles, c'est ça? Ouais, voilà, c'est parce qu'en fait, on est avec un pote à Toulon et en fait, on, comme on va rentrer dans l'armée, on va venir habiter sur Toulon et en fait, on cherche juste à rencontrer des gens parce qu'on connaît personne, quoi. Tu viens d'arriver, c'est ça? Ouais, voilà. D'accord, ok. Bah oui, écoute, après, en même temps, tu sais, la règle pour draguer, elle est même partout, hein. Il suffit simplement de d'avoir un peu de chance, d'avoir un peu de tchatch, et puis après, t'y vas, tu regardes pour, mais toi, tu veux draguer les filles à la plage, c'est ça que tu disais? Enfin, ouais, voilà, rencontrer des gens, parce qu'on est tout le temps à la plage, donc. D'accord. Ouais. Bon, ouais, parce qu'il s'est dit qu'ailleurs, c'était plus compliqué. Ouais. Bah écoute, sinon, si tu veux, j'ai vu un reportage, là, sur, au JT d'M6, là, apparemment, la vraie solution pour draguer les filles. On en parle depuis deux jours et ils confirment, hein, c'est passé tout à l'heure, là, sur M6. Donc, pour meilleur plan pour draguer les filles, c'est l'humour. Et, c'est pas moi qui le dis, hein, pour le coup. Bah regarde, c'est aussi simple que ça, c'est ça. Alors, une seconde. Où est-ce qu'il est, mon sang? Eh bien, il est maintenant prouvé scientifiquement, c'est très sérieux. Des chercheurs américains ont démontré que le cerveau des femmes réagissait davantage à l'humour que celui des hommes. Elles seraient ainsi biologiquement plus attirées par les hommes drôles. Ah, comme voilà. Mais non, arrête, drôle, on a dit, on a dit drôle. Bah c'est ça. Bah c'est, non, c'est justement, moi. C'est bien ça le problème. Je suis c'est le pas ça. Je suis le profil type de l'homme drôle. Mais non. Oui, n'importe quoi. Bon, est-ce que tu veux qu'on te donne un exemple, Clément, là, avec un petit appel? Ouais, allez-y. Ça marche. Ouais, bah, très bien. Merci. Écoute, je sais pas si on fait, si c'est une bonne idée, si ça va vraiment être le bon exemple, mais en tout cas, on va essayer. Bon, on y va. T'es prêt, Tof? Bah, toujours. Bah ouais. Bon, je rappelle que depuis mardi, hein, oui. On a lancé cette idée. Effectivement, j'étais tombé sur un article qui disait que les filles étaient programmées pour tomber amoureuses, de craquer sur des hommes drôles. Et donc depuis mardi, Tof s'essaye à la vanne. Hein. C'est pas toujours gagné, mais on y va. Attention. Bonjour. Pour créer ou modifier une réservation... Ah, c'est un truc de réservation. Ah, je sais pas. Pour joindre l'assistance 24-24, tapez 2. 2, parfait. Qu'est-ce que c'est que cette sonnerie? Bonjour Elsa, à votre service. Oui, bonjour Elsa. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai vu un reportage qui dit que les femmes sont faites pour aimer les hommes marrants, et donc je me disais que si je vous racontais peut-être quelques blagues, on pourrait peut-être se rencontrer. Pas du tout, non. Vous connaissez l'histoire de la chaise? Pourquoi? Bah parce que c'est dommage si vous la connaissez pas, parce qu'elle est pliante, hein. Par contre, je pense que vous n'avez pas bon numéro dans ce cas-là. Ah bon? Mais si, parce qu'en fait, moi, c'est vous, Elsa, que j'ai envie de rencontrer, hein. Est-ce que vous savez ce que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle? Non mais monsieur, moi je... Bah il l'accoste. Je suis pas là à écouter vos blagues. Ah bon? Mais est-ce que vous savez qui est ce qui est bleu mais qui n'est pas foncé? Je réponds pas à vos blagues, je suis désolée. C'est du bleu clair, enfin. Communication. Bonne journée, au revoir. Mais attendez, madame, on peut peut-être se rencontrer, Elsa. Je sentais qu'il y avait un truc entre nous. Ah oui, mais il y a le raccrochage entre vous deux, c'est ça, il y a le téléphone entre vous deux. Viens. Mais t'as refait les mêmes, t'es quand même incroyable. Bah oui, on m'a dit qu'elle était bonne celle-là. Ouais, c'est ça. Bon, non, on rappelle. C'est pas vrai, la coche, je l'avais pas encore fait. Ouais, c'est vrai, bon, on rappelle. Allez, ah bah, oh, de nouveau le truc là. Bah oui, attends, je fais deux. Véronique, bonjour. Oui, bonjour Véronique. En fait, j'étais en communication avec Elsa, mais elle était pas très sympa. Alors peut-être qu'avec vous, ça va peut-être mieux se passer. En fait, voilà, je vous explique. J'ai vu un reportage qui dit que les femmes sont faites pour aimer les hommes marrants, et donc je me disais que si on se racontait des blagues, peut-être qu'on pourrait se rencontrer. Mais je suis déjà en couple, monsieur, donc je suis pas intéressée. Je suis désolée. Oui, mais est-ce qu'il est plus drôle que moi? Parce que moi, je peux peut-être vous raconter des blagues à deux balles. Pampan, deux balles. Non. Oh là là. Non, merci. Mais vous êtes sûr? Allez, je vous en raconte encore une petite. Non, vraiment, monsieur, j'attends des appels d'adhérents Mobizen pour des réservations. D'accord. Attendez. Non, parce que c'est l'histoire d'un homme qui rentre dans un café et pouf. Au revoir, monsieur. Non, bah, encore une petite, allez. Allô, Véronique? Ouais, bah c'est fini, c'est mort la Véronique. Hein. Pourtant, bon. Véronique, deux qui la tiennent, enfin. Ouais, c'est ça. Bon, on rappelle encore un coup, une dernière? Bah oui. Allez. Je sens que encore. Ça va le faire. Là. Bah, oui. On pousse deux directement. C'est un répondeur. Pour créer modifier une réservation, tapez 1. Pour joindre l'assistance 24-24. Ah. Mobizen, bonjour Elsa, à votre service. Oui, Elsa, j'étais très déçu, on a été coupé. Ah bah désolé, ça va être coupé encore. Ah bah non, attendez, la meilleure blague que j'ai, si vous rigolez pas celle-là, allô? Ah. Eh ben elle rigolera pas celle-là. Bon, moralité Clément, tu as bien vu ce qu'il ne fallait pas faire, hein, donc être drôle certes, mais être lourd moins. Donc voilà, ça c'est déjà ce qu'il faut éviter de faire. Maintenant t'as des amis ou pas toi sur Toulon là, comme tu viens d'emménager? Non du tout. D'accord. En fait, on connaît personne, on est deux, et puis on rentre dans l'armée, on connaît personne. Ah bah attends, mais l'armée, t'es sérieux là? T'arrives avec l'uniforme et toutes les meufs elles sont à pied, enfin elles sont à tes pieds plutôt, hein. Bah ouais, mais on peut pas sortir avec l'uniforme partout. Ouais, partout non, mais dans la rue tu peux, non? Non, non, du tout. Ah bon, mais tu peux sortir avec l'uniforme ou ça? Bah, dans la base. Ah, tu peux pas? Ah, merde, ah, déception totale. Mais vous avez pas le moule beat qui fait un peu militaire, histoire que les filles elles vous reconnaissent? Ouais, c'est n'importe dire. Quoi, le moule beat qui fait militaire. Bah après, tu peux acheter des shorts militaires, et tu sais, tu essayes de garder un truc de l'armée que seuls les mecs de l'armée ont, tu vois, histoire d'eux. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en plus, si t'es militaire, tu dois être bien musclé, tout ça, non? Ouais, ouais, ça va. Attends, à la plage, mec, normalement, tu dois arriver à pêcher directement. Et puis c'est bon. Si Toff, avec son bide, il y arrive, pourquoi est-ce que toi, tu y arriverais pas? Tu te fais faire une grosse cicatrice par ton pote sur le bras, et puis après, comme ça, tu peux. Ouais, ouais, c'est ça, tu la dessines, tu vas faire un tatouage. Tatouage avec la cicatrice, c'est quoi? Ouais, si j'étais en Irak, semaine dernière. Ça, je reviens. Voilà, je reviens, je suis aux arrêts, là, pour l'instant, là. Mais bon, c'était dur, hein, mais c'est pas grave, j'ai sauvé le monde, c'est le principal. Enfin, tu vois, tu te la ramènes un peu, quoi. Comme disait Polo, tu leur mens, hein. Tu dis, t'étais en Irak. Dis pas que t'étais au Vietnam, hein, ça marchera moins. Vu ton âge. Américaine, t'es trop jeune. Ouais, c'est ça. Donc, vu ton âge, ça va être con, ouais. L'Afghanistan, ça passe. Ouais, l'Afghanistan, ça peut aller, effectivement, ouais. Non, mais sérieux, là, t'es. Il y a le Mali, en ce moment. Ouais, il y a le Mali aussi, ouais. Mais sinon, donc, toi, tu disais que t'étais à Toulon, mais pour l'armée, donc, t'as dit que t'étais avec un pote, mais qui est à l'armée aussi? Ouais, ouais, voilà, on est ensemble, en fait. On est en coloc et tout, et voilà. D'accord, mais à la. Rencontrer du monde. Bah oui, j'imagine, mais à la base? Ou vous êtes en ville? Non, on est en ville. D'accord, ok. Bon, bah très bien. Bah après, on peut passer l'annonce. Hein. Il y a même pas vraiment de drague. Moi, je pensais que parce que moi, ce que je voyais, c'était conseil pour accoster les filles sur la plage. Alors là, en fait, tu cherches juste à rencontrer du monde là, sur la plage ou pas, peu importe. Ouais. Voilà, tu fais, partout, ouais. T'organises un petit beach volley, et tu vas voir, t'auras du monde. Hein. Ouais, voilà, ça c'est une bonne idée. Tiens, pourquoi pas. Non, mais sérieusement, pour le coup, il suffit simplement de taper la discute. Tu vas dans un bar et puis voilà, ça passe tout seul, quoi. Ça se fait tout seul même. Ouais. Non mais sérieux, hein. Ouais. Clément, hein. Ouais. T'es avec nous ou t'es avec quelqu'un d'autre? Non, j'écoute. Ah non, mais c'était pour être sûr. Donc ouais, voilà, ouais, après on peut passer à l'annonce. Si vous êtes sur Toulon, là, vous nous écoutez, vous avez envie de faire sortir Clément, là, le militaire avec son pote, que ce soit un mec ou une fille, hein, peu importe, mais au moins comme ça tu rencontreras des gens. N'hésitez pas, hein, vous appelez Sandro, hein, 01 42 48 5000, et pour la Belgique, 02 851 4x0. Et puis on fera suivre Clément avec plaisir. Comment? Je dis, on fera suivre. Si on a des appels pour toi, on te les renvoie comme ça. Tu vas essayer de pouvoir faire quelque chose ce week-end, d'accord? Ouais, ça marche. Bon, bah allez, avec plaisir. Passe une bonne soirée, Clément. À bientôt. Vas-y. Ciao, bye bye. Et puis on parlera des pires excuses aussi dans un instant. C'est avec Audrey qui est avec nous. Allô, allô, Audrey. Salut, ça va? Bah ça va bien et toi? Bah tranquille, chaudement. Bah oui, t'as remarqué aussi toi. Putain, ça cogne. Hein. Et demain c'est pareil encore. Hein, donc. Oh bah on va pas se plaindre, après nouveau normalement il risque de pleuvoir, donc on verra bien. En tout cas, si vous avez des bons plans là pour vous rafraîchir, n'hésitez pas. Là on a mis la clim à fond, il fait encore chaud. C'est ouf, dans le studio il fait pétant de chaud, quoi. C'est un truc de psychopathe. Ça va là. C'est bien la première fois que tu te plains de la chaleur. Ouais ouais, mais pour le coup là il fait vraiment chaud. Bref, Audrey, donc toi tu nous appelais par rapport aux pires excuses. Ouais. Très bien. Bon alors, c'est quoi ta pire excuse toi? Parce que l'idée en fait c'était un mec en fait qui s'était fait arrêter, on avait vu ça à la télé, donc il se fait arrêter et il avait son téléphone et donc je vais vous faire quoi de mieux que l'explication finalement en direct, hein. Donc c'était l'arrestation. Voilà, écoutez bien l'arrestation, l'excuse bidonne. Une fois il y a une personne qui a passé au téléphone en haut-parleur et c'est quelqu'un qui avait été verbalisé 15 jours avant par la moto banalisée déjà. Ah, le récidiviste. Donc forcément il nous a vu, on l'a vu et quand on a mis sauté. Ben en fait, il l'avait caché dans sa bouche. Voilà, il le suçait comme une glace. Voilà, il avait mis son téléphone dans la bouche. C'est bon ça. Alors, c'était facile à l'époque où le téléphone était tout minuscule. Maintenant, quand t'as un iPhone, vas-y pour le mettre en bouche. C'est dur, ouais. Ah, c'est compliqué. Voilà. Ah, ouais, mais c'est le nouveau Magnum. C'est le nouveau Magnum format iPhone. Voilà, vous voulez goûter? Non, mais c'est quand même incroyable. Comme, ça, c'est la mauvaise foi, ça. Hein. Ouais. Parce que le mec il se fait arrêter. Non, c'était ma glace. C'était moi. Mais je l'ai fini depuis, monsieur l'agent. Enfin, regarde, c'est normal. Il reste le bâton. Tu sais, le bâton tout sec, ça fait 6 mois qu'il est dans ta voiture. C'est ça, ouais. Bon, et Audrey, c'est quoi toi ta pire excuse là? Qu'est-ce que t'as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait justement et quelle était l'excuse? Ah, déjà, je suis en train d'imaginer le mec avec son portable dans la bouche. Non, mais c'est clair. C'est clair. Improbable. Crado, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais improbable le truc. Bon, et donc alors, c'est quoi ta pire excuse toi? Alors, moi, c'était au lycée, j'avais un petit copain. Ouais. Donc forcément, j'habitais toujours chez mes parents. D'accord. On avait envie de se voir le soir et j'ai sorti à mes parents l'excuse de « il fait super chaud, je vais planter la tente dans le jardin ». Ouais. J'ai planté ma tente dans le jardin et mon copain m'a rejoint le soir. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas une excuse. Enfin oui, c'est une excuse, mais c'est pas la pire. Au contraire, ça c'est même de l'intelligence. Ouais, et lui, là, le copain est venu planter sa sardine. Ouais, merci Toff. Non mais c'est sérieux, c'est bien. Du coup, tes parents ils sont pas venus un moment pour voir comment ça allait, tu vois, si t'avais pas froid ou trop chaud, enfin je sais pas. Non, pas exactement, mais le matin, donc on avait calculé notre coût parce que mes parents travaillaient, genre ils partaient à 6-7 heures de la maison. Ouais. Et on se fait tout petit le matin et tu pars vers 8-9 heures, quoi. Sauf que donc il est parti vers 8-9 heures et mes parents qui ne sont jamais en retard au boulot, ils disent ce matin ils étaient en retard. Oh putain, pas de bol. Du coup bah je rentre chez moi, l'air de rien, vers 8-9 heures. Parfait. Ouais. Et là t'as mon père qui est dans la cuisine. Et attends, t'as coupé, ça a coupé Audrey. Ton père qui était dans la cuisine et quoi ? Me regarde, un grand sourire aux lèvres et il me sort, ouais bah c'est normal d'avoir trop chaud à deux dans une tente. Ah bah oui. Et du coup t'as répondu quoi ? T'étais devenu rouge tomate ou t'as essayé de trouver une excuse encore mauvaise foi jusqu'au bout ? Bah moi déjà je m'attendais à me prendre une grosse mandale. Ouais. Que je n'ai pas. Ah bah que t'as pas eu finalement, tu vois hein. Attends, ça coupe de nouveau, Audrey. Je sais pas si tu peux te mettre dans un endroit où il y a un peu plus de réseau. Audrey ? Audrey, reviens. Audrey, nous abandonne pas, Audrey. Qu'est-ce qu'on va devenir sans toi, Audrey ? Bon, on va essayer de la rappeler. Ah, Audrey ? Oui, je suis là, c'est bon. Ah oui, mais ça a coupé, là. Donc tu disais que tu t'attendais à prendre une grosse mandale que t'as pas prise, et puis ? Que j'ai pas prise, et le truc le plus marrant et le plus improbable qui m'a sorti après, c'est qu'il me regarde droit dans les yeux et il me fait « Alors, c'était bien ?» Ah, fort ! Bah, tu vois, finalement, il est rock'n'roll, ton père. Bah ouais, voilà. Ah bah ça va, franchement, ouais. Donc t'as eu peur pour rien, quoi. Voilà. Bah voilà, t'as raison. Pas refait le coup de la tente après, quand même. Non, t'as. Il vaut mieux parce que je pense que ça marche une fois, mais pas deux, ce genre de conneries, hein. Tiens, il y a un message qui est arrivé aussi. Pas moyen de s'ennuyer avec vous le soir, c'est cool. Ce matin, je suis allé à la piscine pour me rafraîchir, c'est Igor qui avait envoyé le message. Il y a Loulou aussi qui dit blague à deux balles, pampan, mort de rire, mon cousin de 7 ans me l'a fait la dernière fois. Bah ouais, tu vois, finalement, attends, ça vole pas très haut non plus. Ouais, je suis trop fort. C'est ça, n'importe quoi. Et puis après, il y a Yoshi qui dit bam, DJ Toff, le roi des râteaux. Effectivement, on est d'accord. Tiens, dis-moi, Audrey, t'es toujours avec ce mec là, non? Non. D'accord. Et alors au niveau de la drague justement, est-ce que toi aussi, si un mec te fait rire, c'est gagné d'avance? Il a une bonne longueur, disons. Ah, il a une bonne longueur d'avance, mais c'est pas gagné d'avance. Donc si Toff t'appelle pour te faire une blague à la con, ça va pas forcément marcher, quoi. Ah bah faut un peu qu'il y ait du niveau dans la blague quand même. Ah. Donc genre là, les blagues qu'ils viennent faire, est-ce que pour toi c'est du niveau? Non, pas du tout. On est d'accord. Il y a Juju aussi qui dit un gars pour qui. J'avais une blague pour essayer quand même pour voir. Bon, ouais, vas-y toujours essaye hein, pour voir. Hein. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse au fond du jardin? Un martien qui fait caca. Bon d'accord, ok. Oh là là là. En plus, hey, franchement, déjà la blague est pourrie, mais en plus toi tu la connais, Audrey, c'est pire. Hein. Ah, j'ai du niveau en blague. Ah ouais, je vois ça effectivement, Audrey. Il y a Juju qui dit un gars pour qu'il attire une fille. Ok, faut une dose d'humour, mais faut aussi qu'il en ait dans la tête. Tu vois finalement, hein. Voilà. Ça marche pas à tous les coups, Toff. Ça marche pas à tous les coups. Bon bah merci en tout cas Audrey d'être passé. Et tiens dans un instant il y a plusieurs sons possibles. Il y a celui-là, il y a Britney Spears, ça te branche avec Oh là là. Ouais. Voilà, puis sinon j'ai aussi Will.i.am avec Fall Down et Miley Cyrus. Alors tu préfères l'un ou l'autre? Bah moi j'aime bien Will.i.am mais on l'entend un peu souvent donc je vais dire Britney Spears. Eh bah Britney Spears, d'accord, on va se le mettre dans un instant, sans problème, Audrey. Le Britney Spears arrivera pour toi dans quelques instants. Bah écoute Audrey, je te fais des gros bisous, passe une bonne soirée d'écoute de fun. Ça marche, à vous aussi. Et tu reviens quand tu veux, à bientôt, salut. Bisous. Ciao Audrey, il y a un message de Denis qui dit ah au fait Toff, ça a été la séance d'aquabike aujourd'hui? Ça a été très très bien puisque je ne me suis pas levé. Voilà, eh ben voilà, il fallait s'y attendre ça. Tiens, tout ce cinéma pour au final pas y aller, je vous jure. Je vais y aller, Mais ouais, mais moi aussi ce teasing là qu'on a fait et puis rien. On est rentré tard hier donc du coup j'étais fatigué, c'est ça. Je me levais ce matin. Mais oui, bien sûr. Bon, il y a aussi où est-ce qu'il est, Enzo qui est avec nous. Salut Enzo. Ouais, salut. Comment ça va? Ouais, bien, moi. Bon, tant mieux. Écoute, moi, bien aussi, hein. Enzo, t'appelles de Vendée, toi, et qu'est-ce qui t'arrive? Bah, déjà, c'était pour réagir au sujet. Quel sujet? Bah, au niveau de la drague sur la plage et tout. Ah, d'accord, ok. Toi, t'arrives à draguer sur la plage? Bah, non, mais j'ai des copains, enfin, on m'a expliqué et tout, et puis, j'avais pas expliqué. Alors, on t'a expliqué quoi, dis-nous? Bah, en fait, tu vas sur la plage. Ouais. Et puis, donc, bah, si t'as plusieurs, bah, tu vas tout seul. Ouais. Et puis tu t'installes à côté de la fille. Ouais. Tu mets ta serviette tranquille. Ouais. Et puis ben après tu lui demandes avec quel âge et tout. Mm-hmm. Et puis ben après ben tu l'abordes, tu lui demandes ce qu'elle fait et tout. Tu lui demandes l'heure. Tu lui demandes l'heure, ouais, c'est une bonne idée. Ouais, à la plage, c'est non, tout non, mais t'as, non, à la plage. Tu t'assois à côté d'elle, tu lui demandes d'abord son âge et puis tu lui demandes l'heure. Non, oui, c'est non, l'idée. Non, mais c'est un gars qui était un copain qui est à côté de moi qui a dit ça. Ah, d'accord, ok. Ouais, alors non, vas-y, mais... donc tu t'assis à côté d'elle et puis. Non mais ouais, et puis donc après tu lui demandes ce qu'elle fait et tout, si elle est célibataire et tout. Ouais ouais ouais. Et puis ben après ben si tu vois mais que ça marche ben voilà. Tu crois, attends, tu crois vraiment que tu pourras aller jusqu'à la question du célibataire après tout le truc que tu vas faire au début? Bah oui. T'es sûr? Moi j'ai un copain qui a réussi. Ah ouais, mais ça veut pas dire, ça veut rien dire. Hein. Ça se trouve le mec en fait il a dragué une meuf qu'il connaissait juste pour pour te prouver que ça marchait, mais alors qu'en fait peanut. Ouais, parce que moi aussi j'ai déjà réussi à serrer une meuf, tu vois, mais. Mais ça veut, ah, ça veut pas dire. Ouais, mais bon, bah justement, attends, Enzo. Ouais. Attends, je te passe Sandro, là, essaie de la draguer pour voir. Là, imagine t'es au bord de la plage et tout, t'es tranquille. Occupée à tout, là, je suis occupée. Et puis t'essayes. Non, oui, mais reviens, t'inquiète pas, là, mets le standard sur pause, là. Ouais, on imagine que t'es au bord de la plage, là, et. Bah ouais, mais c'est une cougar après, ça. C'est une cougar. Ah, ça, c'est. Oh merde, Sandra la cougar. Bah, il manquait plus que ça, tiens, maintenant, effectivement. Bon. Alors ouais, il a dit que t'étais une bah couillard. Oui, bah pour lui oui, il a bah 15 ouais. ans. Bon Enzo, imagine qu'elle a 15 ans comme toi là et t'essaies de la draguer, vas-y. Ah bah ouais mais je suis pas dans la situation là. Bah justement, mets-toi dans la situation là, t'es là, t'es tranquille, t'es mais à la cool, t'es à la plage. Là, ou je sais pas. Tu veux t'as un petit pas son des bruits de mouettes. Des bruits de mouettes. pour habiller quoi. attends, je vais essayer de te trouver des bruits de mouettes. Si tu veux, j'ai un cochon. Bah oui, la drague à la ferme, c'est la mouette en plein en ce moment. Des cochons sur la plage, jamais oh, vu. Mais oh je... si, il y en a. Bah ouais, oui, écoute, y en a. Ça pourrait arriver hein, ça pourrait arriver. En Normandie. Ah voilà, j'ai trouvé. J'ai une ambiance, attention, ambiance plage. C'est ambiance banquise. C'est une notarie, ça. C'est notarie. Bon, j'ai des mouettes, c'est bon. Voilà. On est à la mer. Bon, excusez-moi, je travaille en même temps. À la mer, fort. Ah, ok, bon. Mais ouais, mais. Ouais, bah t'as quel âge? Non, mais t'as pas envie de me chauffer en fait, c'est ça? Bah, mais non, si, mais essaye là, vas-y. J'ai quel âge? Je suis pas dans la situation, mais j'ai un copain, il veut bien essayer, attends. J'ai un copain à côté de moi, il va essayer de le draguer. Bah, attends, vas-y, bah, passe tout le copain alors, là, vite. Oh, allez. Attends, vas-y, je te repasse Sandro là. Sandro! Désolé, au revoir. Mélissa, rappelle-moi, s'il te plaît. Oh là là. J'ai pas noté bien son c'est ça. Numéro. Bon, vas-y, le copain d'Enzo, là. Ouais. Salut. T'as pas l'heure sur toi, s'il te plaît? Non, désolé. Ah, mince. Ah, mince. Ouais. Ça y est, t'as foiré. Voilà. Allez. Prends ta serviette et dégage. Et ben voilà. C'est fait. Merci pour le conseil drague, là. C'était pas mal, là, le copain d'Enzo. Tu peux me donner ton numéro de portable, comme ça, je pourrais te demander l'heure plus tard. Ouais, d'accord. Oh, c'est nul. C'est marrant. Ah, il est pas mal, là. Il est pas mal. C'est bien essayé, mais malheureusement, c'est raté. Allez, restez sur Fun Radio. Dans un instant, je vous cale le son de Britney Spears sur Fun Radio. On l'avait demandé, ce sera Oh là là sur Fun Radio. Ça y est, toc, Sandro, là, il y a Britney Spears qui arrive. Restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 23h. T'arrêtes ou quoi? Mickaël, appelez Mickaël No Limit. 01 42 48 5000. Fun Radio No Limit. Mickaël No Limit. Sur Fun Radio. Et on est là sur Fun Radio, Mickaël No Limit, 20h-23h. On est là depuis 2 semaines maintenant là. Hein. Faites passer le message là, prévenez vos amis. Facebook, Twitter, Instagram, un peu partout. Dites-leur qu'il se passe quelque chose sur Fun Radio tous les soirs, 20h-23h. On compte sur vous, bien sûr. 20h-23h, Mickaël No Limit, avec dans quelques instants Virginie qui est avec nous. Salut Virginie, t'appelles pourquoi? Pour réagir en ce qui concerne les deux gus qui sont passés, en ce qui concerne les conseils de drague. Ah, les conseils de drague. Oh non, mais franchement, il y a des limites à tout parce que moi je leur donnerai une note, c'est zéro. Bon, alors Virginie, reste oui, là, on va en parler dans un instant, d'accord? Ouais. On va te mettre Britney Spears. Tu as kiffé Britney Spears, non? Plus, j'aime pas cette femme-là. T'aimes pas Britney Spears? Oh non. Pourtant, elle t'aime bien. Hein. Je viens de la voir au téléphone. Elle m'a dit I love Virginie. Non, Virginie non, from the 559. Ah, non, je ne vous pas son numéro de portable. Rien du tout. Je veux rien savoir cette femme. Non. Hey, Mickaël No Limit, bienvenue. Si vous venez de débarquer, 20h-23h sur Fun Radio. On est ensemble et en direct. Et avec, attention, votre trip, City Trip direction Ibiza. Et ouais, c'est à gagner dans un instant. Vous allez pouvoir faire la teuf direction Ibiza à la grosse soirée Fuck Me I'm Famous. Prenez le contrôle. Facebook Mickaël Officiel. Exactement, ouais, facebook.com/Mickaël Officiel. Et puis j'ai mis la photo de Seb, là, l'auditeur qui est passé hier. Pour vous, mesdemoiselles, dites-nous si il est beau gosse ou pas. Là. 32 likes seulement, hein. Pas énorme hein, pour. Ah non, c'est pas énorme. C'est pas énorme, énorme. Donc allez voir, dites-nous ce que vous en pensez, justement, les filles. Facebook.com/Mickaël Officiel. Lui aussi est célibataire, il ne demande qu'une chose, c'est d'arriver à pécho. Bon, je vous en parlais justement là, d'Ibiza. Bah, vous allez pouvoir y aller, tiens. Eh bah oui, direction Ibiza. Ce sera peut-être pour vous là. Hop là. Fuck me, I'm famous. Vous allez pouvoir peut-être partir là-bas avec la personne de votre choix, faire la teuf à la Fuck me, I'm famous à Ibiza, justement. Et pour ça, il y a la colle du jour. À la colle du jour, c'est avec David qui est là. David, toujours là? Ouais, toujours là. Parfait. Bon, alors, David t'appelle de Sarcelles. Je rappelle la règle. Tu vas donc poser une colle à l'antenne. Si personne ne trouve la bonne réponse, c'est toi qui repars avec la caméra numérique et le tirage au sort pour aller à Ibiza. Si quelqu'un trouve, eh ben, c'est cette personne-là, évidemment, qui passera à l'antenne donc pour gagner la caméra et le tirage au sort pour Ibiza. Bon, on écoute ta colle, dis-moi. Alors, la colle, c'est combien de rennes y a-t-il dans une caserne? Combien de rennes, donc le roi et la reine, combien de rennes y a-t-il dans une caserne? C'est ça? Ouais. Bon, il y a Tony qui proposait une reine. Comment? Il y a Tony qui proposait une seule, une reine. Non, c'est pas ça. Non, il y a DJ Tony aussi qui proposait zéro. Non. Alors 7 pour Fab du 06. Non. 22 pour... Oui. 7, c'est la bonne réponse? Non, c'est du 06. Non, c'est pas 7. Bah, tu sais, c'est 7 de Fab du 06. Tu me dis oui, c'est 7 ou c'est non, pas 7? Non. D'accord. Et alors, Jenny qui proposait 22? Non, c'est pas ça. Très bien. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, hein, à vous de jouer. Vous envoyez maintenant la réponse. Vous envoyez donc Mickaël par SMS avec la réponse au 74 900 pour la France et au 63-22 pour la Belgique. Et si vous voulez jouer gratos, c'est sur Twitter que ça se passe. Vous tapez le hashtag Mickaël et la réponse. Bon, bah, David, bah, tout de suite, hein, on fait un petit topo dans quelques minutes, là, d'accord? Ok, pas de problème. Allez, à tout de suite, David. Bon, combien de rennes y a-t-il dans une caserne? Voilà, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Bon, allez, attention, on va récupérer. Où est-ce qu'elle est? Elle est partie? Ah non, elle est là, tiens. Virginie qui voulait donner son avis donc par rapport à la drague. Mais avant ça, évidemment, générique. Alors, ça y est, on a Virginie donc avec nous. Alors, qu'est-ce qui se passe, Virginie? Tout fait. Virginie? Oui, je suis là. Bon, alors, tu voulais... Tu... Bah oui, on se doute bien, parce que moi je te vois pas là, je fais que t'entendre. Bon, Virginie, bon, tu voulais donner ton avis par rapport aux deux dragueurs? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah on t'écoute, hein, c'est l'occasion d'en parler là. Ou tu veux que j'en mette Britney Spears? Oh, s'il vous plaît, pardonnez-moi cette femme, je vous ai déjà dit, merde alors. Non, mais comme j'ai dit, les deux gamins, ça, les deux gamins, pour moi c'est des gamins. Oui, bah oui. Non, mais franchement. Mais ouais. Alors donner une note, c'est 0 pointé, même plus bas que 0. Hein. Ah, plus bas que 0 carrément? Non, mais s'il vous plaît, est-ce que t'as pas l'heure? Non, mais c'est pourri comme de chez. Attends, et si j'essaye. Attends, si j'essaye de te draguer, Virginie, là, tu crois que j'ai une chance ou pas? Même pas en règle. Ah bon, même pas? Oh là là, tu t'es fait chier, carrément. Carrément. Elle a une belle voix, c'est vrai. Bah, justement, tu vois. Ouais. Alors, imagine, regarde. Je te mets une petite musique et tout, là. C'est quoi ça? C'est She's Like the Wind Dirty Dancing. Ouais. Ah oui. Oh non. Bon, Virginie. Non. Salut Virginie. Attends, tu veux te faire autre chose? J'ai ça si tu veux. Voilà. Ah, mieux ça? Non. Oh, t'es relou. Attends, sinon j'ai ça. Ah, what's it? Non. Ça va ça? Non. Oh là là. Ça. Attends. Qu'est-ce que tu mets dans la voiture tunée, Virginie? Ah ouais, tu mets quoi dans la voiture tunée? J'ai pas de voiture, j'en ai pas. Bon, t'écoutes quoi? T'as le permis au moins? Le permis de conneries, ouais, mais pas le permis. Ah bah attends, je vais draguer, j'ai trouvé le son idéal. Alors, salut Virginie. Salut Virginie. Oui, je suis là. Ça va? Tu montes dans ma voiture là? Regarde, j'ai les petites lumières en dessous de la voiture. Non, pas là, toi, t'es complètement retourné, toi, ouais. Bah pourquoi? Attends, ouais, moi je t'ai vu et tout. Moi je t'ai vu, je te kiffe là, Virginie. C'est ça. Moi j'ai envie de toi la Virginie tout de suite. Non mais pour que tu me prends. Tu vois chemin là-bas, ta merde. T'as ton truc à quatre roues et un moteur, tu prends chemin, tu traces. Mais non, mais j'ai une voiture tunée, regarde, j'ai la 206. 206, moins 7 cm. Avec une jupe. Ouais, avec des jupettes. Avec des jupettes et j'ai. J'ai les paupières ou pas? J'ai les paupières, le spoiler, le becquet arrière. T'as des combien, des gens, c'est combien de pouces? 67 pouces. Waouh. Et t'as les lumières à l'intérieur? Les lumières à l'intérieur, les lumières en dessous de la voiture. Est-ce que t'as de la musique forte? On est en train de vivre. On est en train de vivre. Il y a certainement des mineurs qui nous écoutent. Mais justement, ouais. Bon alors du coup, ouais. Eh, Virginie. C'est vrai. Moi je. T'as compris? Je pense que le turning devrait être interdit au moins de 18 ans. C'est vrai. Bah oui, évidemment. Bon, Virginie. Ouais. Tu veux bien coucher avec moi alors? Bon, ça va pas, non. Allez. Attends, Virginie, c'est Mickaël. Attends. Vas-y, fais-moi plaisir. Ouais, mais parce que moi, il y a plein de filles, là, comme hier, là, on avait eu deux filles, tu vois, comme Shanice et tout, là, mais franchement, moi, leur physique, ça me plaît pas, moi, c'est toi qui me plais, Virginie. Ouais, les chaudasses, ouais, la gogo danseuse et puis la meuf des téléphones roses. Ah, Mickaël, il aime les filles du terroir, quoi. Mon fils. Ouais, moi, c'est toi qui me fait kiffer, comment là. Comment tu veux qu'il te drague? Ouais, t'as raison. Tu veux, comment tu veux qu'il s'y prenne avec toi? Faut te draguer comment toi? Mon cœur est déjà pris. Ah, il est déjà pris ton cœur, mais c'est pas grave, c'est que pour une nuit, nous comment, deux. Hein. Et comment il t'a dragué ton mec alors? À toi? Ah ah, c'est une longue histoire. Bah, on aimerait bien la connaître. Je m'attendais à ce que non, tu démarres, privé, mais. C'est privé. Oh, c'est privé, mais fais un effort quand même. Donne-nous quelques infos. Donc, dans le livre d'or des auditeurs, Virginie sera à star. Ouais, oui, oui. Ah, bah, ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. Tu sais, en plus, il y a un message de Benjamin qui dit laisse tomber, Mickaël. Elle sait certainement pas. Eh, hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Qu'est-ce que c'est relou, ça? Ah. J'adore. Hein? Tu te rends pas compte de la chance que t'as? Tu peux mettre le quoi? Bien sûr. Quoi? Elle est contente, hein, voilà, c'est son drôle à faire, c'est passé sa bonne soirée maintenant. Hein. Bon, Virginie, du coup, t'as encore un truc à ajouter? Ou je te remets Britney Spears? S'il vous plaît, non. Regarde, juste... pour toi. Non, s'il vous plaît, bébé, s'il vous plaît. Oh, maman, non, mais c'est pas ça, non. C'est possible de faire une dédicace, s'il vous plaît? Ouais. Bien sûr, vas-y. Oh, merci, Dieu merci. C'est pour Amandine, ma... Oh non, maman, c'est pas vrai. Bon, allez, vas-y. C'est pour Amandine et son homme. Non, mais vous cassez tout. Mais je casse rien, là. Tout, mais non, on t'écoute. Regarde, j'ai tout coupé, là. Oui. C'est pour Amandine et son homme Romain à l'assemblée. Ouais. Pour ma famille de mon père, donc 5-9. D'accord. Et pour encore tout le reste de France, c'est toujours le même. Le meilleur métier du monde, ça le restera toujours. Ok, très bien. Alors, bah, écoute, crois, bah voilà, mais je pense qu'il n'y a pas de soucis. Ouais, c'est cool. Ok, d'accord. Bah, mais... où, ouais, encore ouais. Où, ah, tu veux coucher avec moi ou pas? Ah, bon, t'en vas pas la tête. Non, mais attends. Ouais. Encore si t'as besoin de secours ou si t'as besoin de prendre des cours, je sais pas quoi que tu veux. Tu vois, il y a moyen de moyenner, hein. Ah ouais, mais tu donnes des cours de quoi? Parce que justement, je voulais prendre des cours, on a parlé avec Polo. Eh, tu donnes des cours d'anglais? Oh non, des cours de langue, ça va, j'ai... Des cours de langue? Ouais, mais c'est ça justement, des cours d'anglais. Do you speak English? Ah bah ouais, hein, évidemment. Ah yes, alors, of course. Mm-hmm. And is it possible to learn English with me, with you, forever? I love you. Maman. Can I fuck you? Hein? Can I fuck you? Aïe. Aïe. Évidemment. Bon, bah, t'as compris ce que j'ai dit, hein? Ah, oh bah, à tout, là. Non, tu sais, tu dois rien comprendre, mais. Ouais, t'as rien compris, mais tu comprends, quoi, c'est ça? Non, pas du tout. D'accord, c'est une conversation qui n'a ni queue ni tête. Ça, on tourne en rond. Hein? Attends, on va recommencer. Dans un instant, on va mettre Britney Spears. Oh non, c'est pas fait. Ah, si, Britney Spears. Vous voulez me voir avoir des cheveux blancs avant l'âge ou quoi, là? Des cheveux blancs avant l'âge? D'ailleurs, est-ce que je peux me permettre un truc? Avec plaisir. Ah, il va lui faire une vanne. Avec des limites. C'est vrai, bon. Des limites d'offre, on t'a dit. Allez, Virginie, combien mesures-tu? 1,74. Combien pèses-tu, Virginie? Ah, il y a 85 kilos. Ah oui, je me disais aussi. Quelle est la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Oula, maman, seigneur, je sais même pas. Ouais, mais plutôt autour de 50, quoi. Ça va dans la tête ou quoi? Ça va dans, hein? Bon, ça va dans la tête? 44? Non, je dirais plutôt 46, ouais. 46, ouais, je me disais aussi. Et ton tour de poitrine? Hein? Et ton tour de poitrine? Bah non, Elle voulait pas le beurre, elle a attendu beurre sur de crémière avec son fils pendant. Non, je mets juste la crémière. Par contre, si on peut avoir la crémière, mais on fait le beurre. Non, mais par contre, toi, t'es tombé dedans quand t'étais petite, hein, dans la crémière. Ah, la crémière, ouais, avec plaisir. Ouais. Bon, ben, Virginie. Non, là, j'allais dire quelque chose, mais je préfère me taire. Oui. Virginie, bon, ben, gros bisous. Mais il y a possible, c'est possible d'avoir, d'avoir un petit cadeau, s'il vous plaît. Bah, bien sûr. Bah, on va t'envoyer du beurre. Non, ça fait attention. Et la crémière. Contre, Michael, tu veux changer la boulette d'Azène? Vous changez la boulette d'Azène, là, mais franchement, c'est vrai, c'est un super bon fromage, mais. On va pas te déranger, hein, tu peux le garder, hein. De quoi elle parle? Ah, madame, c'est avec plaisir, je te l'envoie du. Non, vraiment, parce que justement, ici, tu sais, on n'a pas la poste. Ah non, mais on sent. Ou alors tu me l'envoies par mail. Envoie-le-moi par mail. Oh non. Bah, si, tu plies le fromage, tu le scannes et tu me l'envoies. Ouais, c'est ça. Ok? N'importe quoi. Mais non, mais sérieusement! Bon, je te kisse, Virginie. Oh là là. Il y a moyen d'avoir un cadeau, si vous mais ouais, bien regarde, sûr, mon cadeau c'est ça. Mon cadeau c'est ça, Virginie. Oh non, c'est pas vrai. Un album dédicacé. De Britney Spears. Non. Exactement. Non, voilà, Britney Spears, rien que pour toi. T'as vu le nouveau Britney Spears, il est bien ou pas? Ça c'est le nouveau, t'aimes bien ou pas? Trop excentrique. Non. Attends, parce que allez, ça c'est le tout nouveau, ça, celui qui sortira dans 6 mois de Britney Spears. Elle chante en français. Elle a pris des cours de langue. Tu la trouves. Tu la trouves bien ou pas, la Britney Spears? J'aime pas cette femme. Ah, t'aimes pas. Bon, même cette chanson-là, non. T'aimes pas. Hein? T'aimes pas cette chanson-là non plus. J'aime pas Britney, j'aime pas cette chanson. Bon, d'accord, ok. Bon, j'insiste pas alors. N'énerve bon, pas, s'il te Virginie, plaît, on va quand même te filer la compile Britney Flore. Oula, tu peux lui. Oh merde, fais chier. Non, s'il vous plaît. Mais non, on bon. On est pas autour du pot. Allez, Virginie, on va pas tourner autour du pot, t'inquiète pas. Je vais te dédicacer, s'il vous plaît. Avec plaisir, et je te ferai un gros bisou dessus. Un gros smiley. Ouais, je la mettrai, je la frotterai contre mon corps pour que tu aies l'odeur. Mon Dieu, non. Bon, allez, bonne soirée Virginie, on va t'envoyer ça, tu vas gérer ça, Alexandra. Ouais, faut prendre les coordonnées. Ouais, là, salut Virginie. Ciao à toi. Bon, il y a Lucky qui est avec nous maintenant. C'est Lucky ou Lucky? C'est Lucky. Lucky comme la chance. Bah, comme nous d'avoir rencontré Virginie. Quoi. Ah oui, bah là, on a eu beaucoup de chance, hein, Lucky. Bah, elle est mignonne, elle a pas l'air bien, mais elle est mignonne. Mais non, mais si, bon, comment ça, elle a pas l'air bien? Elle est très gentille, Virginie. Mais oui, elle est trop mignonne. Parce que elle a l'air un peu blasée de la vie, quoi. Ouais, mais là où je suis déçu, c'est que je me suis pris un râteau, quand même. Oui, ouais. Mais en même temps, c'était un petit râteau, quoi. Parce que, on fait à part. Ouais, mais enfin, c'est un râteau quand même, hein. Mais justement, tu vois. Enfin bon, qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave, hein, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier à mon avis, mais enfin bon. En même temps, elle aime pas Britney Spears, elle aime pas, je sais plus comment il s'appelle. Elle aime rien, de toute façon elle aime rien, donc je vais pas plus loin avec le fromage. Voilà, c'est tout. Bon, bah, Lucky. Alors, il y a un message qui est arrivé de Victor qui dit encore une qui se rend pas compte de la chance qu'elle a. Bah, je suis assez d'accord, effectivement. Oh, mais qu'est-ce que tu veux? Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Il y a aussi Valentin qui dit bonjour, Mickaël. Vous pourriez me faire une dédicace sous le nom de The Valentine DJ One, le YouTuber. Bah, voilà, c'est fait. Mylène aussi qui dit Virginie, prends les choses un peu trop au sérieux. Bah, je confirme, ouais. T'es complètement retourné, toi. Et pour qui tu te prends là? Cette dame est extra. Bah, bien sûr qu'elle est extra, Nathan. Merde, bon, c'est prêt, une faille, hop là, un faille en moins. Voilà. Et Denis qui dit Britney Spears, j'adore. Bah voilà, tu vois, elle l'aimait pas, comme quoi. Bon, Lucky, toi tu nous appelais par rapport aux pires excuses là. Qu'est-ce que t'as déjà donné comme pire excuse? Alors, on arrive à un rond-point avec mon mec, ouais. Et là on voit les flics qui avaient déjà arrêté une voiture, mais ils nous font signe de s'arrêter quand même. Du coup, nous on trace, et sur déjà 10 km, d'un coup on voit qu'il y a la voiture qui commence à nous suivre et tout, la moto. Mm-hmm. Et on continue, 20 bornes et tout, comme des galériens, on continue, et finalement, on commence à se mettre sur le côté quand même, parce qu'au bout de 30 km, voilà quoi, fallait assurer. Ils sont peut-être en train de vous suivre. On n'avait pas les ceintures et tout, et du coup, il arrive et il voit qu'on n'avait pas les ceintures, donc il nous demande, pourquoi vous n'avez pas la ceinture, et nous, excuse bidon, on vient de l'enlever quoi. Oui, bien sûr, mais pourquoi vous l'avez enlevé? On était en plein milieu de la route et puis on a décidé de l'enlever. Non, mais on l'a enlevé parce que voilà quoi, lui il est sorti, en fait mon mec il est sorti direct de la voiture quoi. Il avait pas sa ceinture quoi, et à moi il m'a demandé à moi quoi, il m'a dit je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, mais en gros on lui a sorti que on s'était arrêté, du coup on avait enlevé les ceintures directes quoi. Très bien, voilà. Et du coup les flics ils ont vu le. Du coup ils ont rien dit quoi, on n'avait pas le pet, rien, du coup ça allait tranquille quoi. Ils nous ont même pas mis une amende pour avoir les avoir fait galérer pendant 30 km. Ah, franchement, t'as la chance. Hein. Moi, la pire excuse, c'était aussi avec les flics. J'étais en vacances là cet été, et puis tu sais, j'arrive. C'était au Costa Rica, donc tu sais, les routes c'est un peu bizarre là-bas. Et en fait, il y avait aussi, donc à la place d'avoir une ligne blanche comme chez nous, bah en fait, ils ont deux lignes jaunes, un peu comme aux États-Unis. Et donc, j'arrive à peine au début, tu vois, au début des vacances. Moi, j'étais, tu sais, je roulais pépère, quoi. Hein. Je me dis, je sais pas où je suis, etc. Et je voyais tout le monde qui passait à gauche, à droite, qui dépassait. Ils en avaient rien à foutre des lignes jaunes, enfin blanches en l'occurrence. Et donc, à la fin du séjour, je commence à rouler comme eux. Et qu'est-ce qui se passe? Pas de bol, paf, le flic qui se met en plein milieu de ma route. Et donc, qui me fait signe, il faut absolument que je m'arrête, etc. Donc, je m'arrête. Et puis là, en espagnol, le mec qui parlait, c'était une galère. Donc, je me dis, ouais, mais je dis en même temps, tous les autres, tous les Costaricains, ils roulent comme ça, hein. Alors, il a pas du tout aimé. Donc, j'ai dû négocier. Alors j'ai même essayé de lui mettre un petit bifton. Je me suis dit, en Costa Rica, on sait jamais, ça marche peut-être. Et ben ça n'a pas marché. Donc faut savoir qu'il a failli ne pas revenir. Hein. Tu l'avais soudoyé. Pourvoyé. Ah oui, non mais c'est pas vous. Il a pas cru que hein. C'était le cas. J'ai essayé de le soudoyer, mais ça a pas bien marché non plus. Tu aurais pu dire ouais, bah finalement je te demande de ce que tu m'as mis quoi. Ah oui. Combien en fait? Tu lui as proposé 50 cases ou? Non, je lui ai proposé je sais plus. C'était avec leur monnaie, leur colonesse là qui vaut, c'est-à-dire qu'avec 1 euro t'as l'impression d'être milliardaire là-bas. Mais non, je sais plus, j'avais dû lui proposer 50 euros, je crois, un truc comme ça. Parce que tu lui as pas proposé le kilo de cocaïne quoi, parce que sinon il aurait. Ouais, mais par contre là tu vois, je serais pas en train de te parler à mon avis là. Ouais. Je serais dans une prison costaricaine là si tu veux, je pense que je l'aurais très mal vécu. Ouais. Le bonne flic, il aurait dit, ah, y a bon et tout, bah c'est bon, vas-y. Ah merde, putain, j'ai chopé un dealer, cool, allez hop, jackpot. Tiens, bon bah merci en tout cas, Lucky, d'être passé, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Et ouais. Sinon, j'ai une petite blague. Ah bah vas-y toujours, alors toi Fistral, il sera content de la petite blague. C'est une brune, une rousse, une blonde, et c'est en temps de guerre, il y a les Allemands qui arrivent dans la ferme, alors elles se cachent, il y en a une qui se cache dans un sac de patates, une qui se cache dans... Bah elles se cachent les trois dans un sac de patates quoi. Ouais. Et en fait, ils arrivent, l'Allemand il tape dans le premier sac de la brune, ça fait miaou miaou. La deuxième, il tape dans le deuxième sac de la rousse, ça fait waouh waouh. Et il tape dans le troisième de la blonde, ça fait patate, patate. Oh, ah ouais, d'accord. Ah ouais, ah, ah, ah. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah tu peux faire une alliance avec Toff si tu veux. Hein. Je peux en mettre une petite par-dessus ou pas? Bon bah vas-y par-dessus, mais vite fait alors. Alors que fait une fraise sur un cheval? Eh ben. Bah tagada. Oh là. Bon, eh ben Lucky, merci à toi d'être passé. Bye bye. Et tu reviens quand tu veux. David Guetta dans un instant, ça te branche? Allez, parfait. Sinon j'ai Calvin Harris si tu veux. Vas-y, mets voir. C'est ça, Calvin Harris, Thinking About You. Ah ouais, celle-là, elle est bien. Elle est bien, celle-là. Tu veux qu'on... Bah, ouais. On va se mettre celle-là, alors, si tu veux, pas de problème. Gros bisous, Lucky. Bye. Et à bientôt, ciao à toi, Lucky. Bon, bah, vous restez là, hein. Surtout, Mickaël No Limit, on est là sur Fun Radio, 20h-23h depuis deux semaines maintenant. Il y a la photo de Seb, là, le playboy, là, qui voulait draguer toutes les filles, qui est sur facebook.com/Mickaël officiel, et pour l'instant, 100 likes seulement, c'est pas énorme pour le playboy. Non, hein. Le pauvre. Ah non, Seb, là, il a pas beaucoup de chance là, avec les filles, là, pour l'instant, c'est dommage. Allez, restez là, c'est Calvin Harris dans un instant, Thinking About You. Je vous rappelle aussi qu'on fera le meilleur ennemi aussi tout à l'heure si vous voulez jouer avec nous pour choper vos cadeaux et faire chier votre pire ennemi. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou alors pour la Belgique 02 851 4x0. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Tous les soirs. Fun Radio. 20h-23h. No Limit. No Limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Exact, et on direct sur Fun Radio. Hein, 20h-23h tous les soirs. Allez, venez parler avec nous. Vous êtes les bienvenus. Pendant tout l'été, on est là de 20h à 23h sur Fun Radio. Avec dans quelques instants la réponse à la colle de David. Là, je rappelle la question, c'est combien de rennes y a-t-il dans une caserne? Combien de rennes y a-t-il dans une caserne? Si vous avez la bonne réponse, eh bien, il suffit simplement d'envoyer la bonne réponse maintenant. Vous débutez le message par M-I-K-L, les 4 lettres. Espace la réponse. Vous envoyez le tout au 74 900 pour la France par SMS et au 63 22 pour la Belgique. Et si vous êtes tiré au sort, à vous peut-être le trip à Ibiza pour la soirée Fuck Me I'm Famous avec également l'appareil photo numérique. Bien entendu, ça marche aussi sur Twitter. Il suffit de taper le hashtag Mickaël avec la réponse au sur twitter.com. Vous mettez le hashtag Mickaël. Bon, il y a Samuel aussi dans quelques instants et puis Vanessa là qui est là. Vanessa, t'es là d'Avignon? Ouais. Oui, très bien. Bon, de quoi on parle dans un instant avec toi, Vanessa, alors? Je sais plus. Tu ne sais plus? Tu ne sais plus? Ouais, parce que je suis soupçonnée à mon père qui me trompe là. Très bien, parfait. En fait. Non, parce que tu m'as fait un mail pour en parler, donc ça m'inquiète beaucoup si tu oublies, hein. Non, mais c'est pas dur. Bon, ben on en parle dans un instant, Vanessa. Tu restes avec nous. On aura Samuel également dans quelques instants. Et puis, le son, évidemment, comme promis, là, on l'avait demandé. Eh ben, on va le mettre. Calvin Harris, maintenant sur Fun Radio, avec Thinking About You. On aura aussi, évidemment, Guetta tout à l'heure. Et puis, faites votre choix. Je vous cale aussi tout à l'heure Major Lazer. Ou alors Stromae avec Papa Outé. Si vous voulez écouter l'un ou l'autre, hein, vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter. Là, vous mettez Major Lazer. Ou alors le hashtag Mickaël avec Stromae si vous préférez écouter un son ou l'autre. Ou même autre chose. Hein, Duxos aussi, Showtech. Bref, vous faites la proc ce soir sur Fun Radio. C'est jeudi soir avant l'arrivée de Party Fun à 23h. On est au taquet et on est surtout en mode très très cool. Calvin Harris sur Fun Radio, il y aura David Guetta, Jason Derulo à suivre aussi avec The Other Side. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. C'est le numéro du standard, donc allez-y, n'hésitez pas. Il y a Anaïs aussi qui dit, mais si, Tof, il est drôle et il a son humour, c'est tout. Oui, bon, on peut voir ça comme ça. Merci Anaïs. Ouais, Tof, ressors nous des bonnes blagues, s'il te plaît. Bon, on va faire un appel au cœur dans quelques instants sur Fun Radio. Mais avant cela, eh bien, c'est Vanessa qui est avec nous d'Avignon. Salut Vanessa. Salut. Enfin, re-salut plutôt. Bon, qu'est-ce qui t'amène? T'appelles pourquoi, Vanessa? Sois la bienvenue sur Fun. J'appelais parce que je pense que mon père trompe sa mère. Ce sont des choses qui arrivent. Bah, oui. Non, mais ce sont des choses qui arrivent surtout. Mais comment tu le sais? Enfin, comment t'as éventuellement grillé le truc? En fait, il y a à peu près une semaine et demie, j'ai pris le téléphone de mon père pour envoyer des SMS. Et là, j'ai eu des SMS d'une meuf, un peu chelou, on va dire. Ouais. Qui disait... Je t'attends, chambre 911, rejoins-moi. Je suis nu sur le lit. C'est ça. Je suis attaché avec les manottes. Bon, bref. Et puis? Et puis, qui disait, gros bisous, je t'aime, avec des cœurs, des smileys. Il est retombé en enfance, alors, dans la jeunesse. Il se rachète une deuxième jeunesse. Mais ils sont ensemble depuis combien de temps, tes parents? Mon père a 50, il a 50, ma mère en a 47. Ah, bah oui, mais c'est normal. Ah ouais, bah oui, mais ça. Et tu sais pas si ta mère c'est son premier mec, ton père, et inversement? Mon père non, c'est pas la première, mais ma mère ouais. Bah, c'est pas la dernière, a priori, hein. A priori, ouais. A priori, en effet. Non, mais en même temps, tu sais, je vais te dire un truc, c'est vrai que ça va pas t'aider, mais c'est pas ton business tout ça. Non, mais ouais, mais enfin. Bah oui, mais après ton père c'est ton père, il fait comme il veut, tu vois, c'est pas parce que c'est ton père. Mais non, mais c'est dur, il fait ce qu'il veut, tu vois, si ça va plus dans leur couple ou je sais pas quoi, s'il veut voir ailleurs, ben c'est son droit, enfin c'est son droit, il fait ce qu'il veut, il a pas de compte à te rendre, pardon. Mais après voilà, pourquoi t'as été fouillé? Faut jamais fouiller, c'est quand on fouille on trouve que des problèmes. Ouh, t'as fouillé. En plus, c'est pas vrai, j'ai pas fouillé, je suis tombée par hasard. Mais oui, c'est toujours ça. J'ai pas fouillé, je suis tombée par hasard en cherchant autre chose. Mais ouais, c'est ça. C'est pas du tout ça, ça se trouve, c'est. Enfin, ouais, c'est quand même difficile, hein. C'est-à-dire que les messages, ouais, je t'attends, je t'aime, avec des smileys partout. Il m'arrive de faire ce genre de truc, même avec Tof. Donc, si tu veux, tu peux tomber sur des messages où je lui fais des déclarations d'amour. Ah mais bon j'aime pas. Mais non, c'est parce qu'il est Sandro, avec tout le monde. Ouais, ça y est, alors d'accord, non, c'est le coming out de Polo. Il est amoureux de Tof. Non, mais ça peut être aussi de la vanne. Ouais, ça peut être de la vanne, mais après, bon. Est-ce que t'as regardé tous les messages? Ou juste un seul? Hein? Ah non, mais parce qu'il est malin, hein. Il a effacé, hein. Non, en fait, ton père voulait pas te le dire, mais t'as une sœur. Non, elle me dit pas ça, arrête, je vais flipper et tout. Ah bah c'est bien une sœur, hein. Seul point négatif c'est qu'après il faut partager l'héritage, mais bon ça c'est un autre problème. Ah que dalle, nada. T'as fait comment? Oui, j'ai grippe sous, moi je garde tout, qu'est-ce qu'il y a? Attends, ça fait 16 ans que je me les supporte les deux là, tu crois que je vais partager alors c'est avec ça, quelqu'un qui était jamais là? Elle a c'est déjà clair. Deux frères en plus, hein. Ah ouais d'accord, ok, ouais, t'as deux frères. Et tes deux frères ils sont plus vieux ou plus jeunes? Ah ils sont plus vieux. Plus vieux, d'accord, et tu leur en auras parlé? Non. Ils habitent encore à la maison? Un ouais, l'autre non. D'accord. Bah après, ce serait peut-être bien ou pas en fait. Bah bon, j'ai d'en parler. Après, c'est pas ton business. Et c'est quoi ton idée là? T'as envie d'aller balancer à ta mère? Non, parce que enfin. Non, j'ai envie de faire chanter mon père pour lui soutirer de l'argent. C'est une idée, tu vois. Non, mais parce que je m'entendais avec mon père, mais. C'est marrant parce que il y a un message de Denis sur le Twitter qui est bizarre que Tof ne lui ait pas encore dit chantage. Ça y est, c'est fait, hein. Voilà, ton message et sa pensée se sont croisés. T'inquiète pas. Négocier un truc que tu veux depuis longtemps et tu lui dis voilà. Non mais écoute, le mieux encore à faire, même si ça reste pas ton business, c'est d'aller voir avec ton père. Tu dis voilà, écoute, je suis tombé sur ce message-là, ça veut dire quoi? Et ben là, il va peut-être te parler. Après, t'as 16 ans, tu vois, t'es plus une enfant non plus, tu peux comprendre les choses, donc il va peut-être te dire. Non, mais là, c'est chaud parce que si elle, elle y va, il va se sentir obligé de balancer à sa femme. C'est bah, pas forcément, mais j'avoue que c'est une sale position parce que t'es là, tu connais le délire et au final, t'as peut-être tendance à te dire putain, je suis en train de me foutre de la gueule de ma mère. Alors je sais un truc et il faudrait que je lui dise, mais à côté de ça, je peux pas balancer mon père. Enfin, c'est vrai que t'es dans une sale position. Là. Horrible, allons plus loin. Peut-être qu'ils font des trucs à trois avec ta mère. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire encore là? Y a que lui qui doit penser des trucs dégueulasses. Ouais. Comme ça. Non, c'est pas dégueulasse. Ils ont quel âge tes parents? T'as dit 52. 47 et 50. Voilà, il y a un moment, il faut aller voir, il faut explorer d'autres trucs. Ouais, mais tu crois qu'elle a pas assez de peine comme ça pour lui raconter encore des histoires? Mais moi, je serais heureux que mes parents aient une sexualité épanouie. Tu peux avoir une sexualité épanouie sans pour autant faire des trucs à plus de. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce mec, quoi, sans déconner. Elle sera contente, tiens. Est-ce qu'ils sont heureux, tes parents, ou pas, Vanessa? Bah, visiblement en pas. En ce moment. Non, mais son père, il est très heureux, là. C'est-à-dire qu'il a une petite jeunette, là. Mais peut-être que maman est au courant et qu'elle laisse faire, tu vois. Ouais, ça arrive. Il y a des couples comme ça. C'est vrai. Vanessa, il regarde Brad Pitt, elle a 27 ans, il s'en plaint pas. Oui, c'est vrai. Bon, Vanessa, dans la vie de tous les jours, ça a l'air d'aller ou c'est plutôt la guerre? Je sais pas. Ouais, non, enfin, genre, normal. Normal, famille normale. Ça va, la dernière fois qu'ils se sont parlé, c'était samedi, donc tout va bien. Non, ils engueulent, quoi, comme des parents normaux. Oui, enfin, souvent, mais... Ouais, mais ils s'engueulent, ça dépend pourquoi aussi. Mais en fait, il faut voir, est-ce qu'ils s'engueulent pour des vrais problèmes ou est-ce qu'ils s'engueulent pour des conneries? De ces gens, il a pas débarrassé son assiette, ta mère elle fait un scandale, il y a un truc qui traîne là, ton père il fait un scandale, enfin tu vois. Parce que s'ils s'engueulent pour vraiment des conneries, c'est qu'il y a un problème. Je sais pas, parce que moi quand je débarque, genre c'est toujours l'embrouille, mais bon, je sais pas. Ah ouais, donc il y a problème, ouais. Non, parce que si c'est toujours l'embrouille quand tu débarques, il y a un moment. Ouais, mais ça peut être, c'est dans toutes les familles presque, hein. Ouais, mais bon, faut voir. Les temps qu'ils sont ensemble, il y a forcément des petites. Bah oui, ils connaissent tous leurs délires. Regardez dans Confession Intime, ça va super bien. Ouais. À la fin, ils sont heureux. C'est ça. Bon, il y a Nathan aussi, enfin, John Nathan, qui est sur Twitter, qui dit, mais qu'elle fasse chanter son père, là, et qu'elle prévienne sa mère, c'est tout. Il y a Lucas qui dit, c'est moche, c'est très très moche. Il y a Maxime aussi, qui dit, moi, je suis dans mon tracteur avec la clim, c'est nickel, continuez, vous êtes super. Ah bon, on embrasse tous ceux qui sont dans les tracteurs actuellement en train de travailler, là. Et puis Jade qui dit, le gros vent que Toff a pris tout à l'heure, là, vous me faites trop rire. Oui, mais c'est bien, en plus. Le vent, là, il va s'en reprendre un petit dans un instant, à mon avis, là. Bon, Vanessa, on va demander aux auditeurs de fun, là, s'il y en a qui, effectivement, ont peut-être déjà, connu ce genre de problème, justement, tiens, est-ce qu'ils sont peut-être aussi grillés, ils ont peut-être grillé aussi papa, maman avec quelqu'un d'autre, comment est-ce que vous avez réagi, est-ce que vous avez balancé, est-ce que vous n'avez pas balancé, est-ce que vous en avez parlé à votre père, votre mère, bref, dites-nous tout. Raser vos sœurs. Non, pardon. Plus jamais, Toff, c'est un motif non, mais là, de... Tu sors. Il sort 5 minutes, hein. C'est ça, ouais. Va prendre l'air, hein. Et il y a Yoshi qui dit, je t'annonce que Toff est un pervers de la pire espèce. Oh, ben, on savait déjà, Yoshi, hein, t'inquiète pas. J'ai une pire idée, si tu veux, pour après la pub. Ah, bah, alors après. Et Juju aussi qui dit sur Twitter, les couples qui s'engueulent sont ceux qui durent le plus longtemps, paraît-il. Bah, pas forcément, après. Non, mais enfin, y a des on en parle. Qui disent effectivement que c'est bon de s'engueuler encore dans les couples. On verra. Bon, Vanessa, on va faire le meilleur ennemi dans quelques instants. Ça se trouve, ce sera peut-être tes parents. Hein? Ouais. Va savoir, dans un instant. Ouais. Bah, reste là, on aura Samuel aussi. Et puis, on a la colle, maintenant, là, avec David. Allô, allô, allô, allô, David. Allô. Yes. David est de retour. De Sarcelles, donc. Et, David qui avait une colle à poser. Et, la colle, c'était combien de règne y a-t-il dans une caserne? Voilà. Bon, ben, on va appeler quelqu'un qui s'est inscrit, par Twitter ou par SMS. S'il décroche et qu'il ait la bonne réponse, c'est lui qui repartira avec la caméra numérique et la possibilité d'être tiré au sort pour aller à Ibiza. S'il n'y a pas de bonne réponse du tout à ce moment-là, David, ce sera pour toi. On y va. Et j'espère que c'est pour moi. Bah, je me doute bien, ouais. Bon, attends, on appelle, là, ça sonne. Je sais pas du tout chez qui on va, mais voilà. Si ça sonne chez vous, décrochez, là, maintenant, hein. Voilà, c'est Fun qui appelle. Allez, hop, on décroche, peut-être pour partir à Ibiza. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Julien. Julien, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun. Et je t'appelle pour savoir si tu as la bonne réponse à la colle de David. Combien de rennes y a-t-il dans une caserne? 6. Alors ouais. David, c'est ça. C'est la bonne réponse. Ouais. Et ben voilà. Bonne réponse. Eh ben écoute, c'est gagné. En tout cas, tu repars avec la caméra numérique, ça c'est pour toi. Et puis bah peut-être dans moins d'une heure trente, là, avant 23h, on fera le tirage au sort parmi les 5 gagnants de la semaine. Et peut-être que tu iras direction Ibiza. T'as déjà été à Ibiza ou pas? Non, je suis pas allé à Ibiza encore. Jamais. Bien y aller. Eh ben écoute, jamais. Ce sera peut-être l'occasion dans moins d'une heure trente. Hein. Je te souhaite bonne chance en tout cas. Ok, bah merci beaucoup. Continue avec plaisir. Comme ça, en tout cas. Merci, c'est gentil. Soirée, merci. Et tu restes au standard. C'est Sandro qui va prendre tes coordonnées pour t'envoyer la caméra. Bon bah okay, David, désolé David. Hein. Ouais. Bon, et bah, tu peux pas avoir un petit cadeau? Si, on va te filer une copie de Starflore. Merci. Je t'en prie, David. Salut à toi, à bientôt et passe une bonne journée. À bientôt. Enfin, salut. Bonne soirée plutôt. Un petit peu 21h25 là pour le coup. Mickaël qui dit pour se rafraîchir, faut passer la journée dans les magasins. C'est une bonne idée aussi ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est au moins c'est climatisé pour le coup. Allez, restez sur Fun Radio. Dans quelques instants, il y aura le pire ennemi, enfin le meilleur ennemi ou le pire ennemi. Vous appelez ça comme vous voulez. Juste le temps d'écouter. Eh ben justement, tiens, le son maintenant de David Guetta qu'on va se faire par rapport à la Fuck Me Infamous. Ça ira très très bien. C'est Ain't a Party sur Fun Radio. Bonne soirée. Eh ben David Guetta à l'instant sur Fun Radio, et restez bien sur Fun puisque tout à l'heure on fera le tirage au sort pour vous envoyer direction Ibiza pour aller faire votre trip là sur l'île où il y a la fiesta non-stop là avec bien évidemment la Fuck Me I'm Famous. Ce sera pas mal, et pour vous dire, Mamtoff a été là-bas, mais est-ce qu'il a fucké là-bas? Non. Non, on entend absolument pas. Ah bah tu vois, finalement, hein, comme toi c'est un échec. Oui, mais c'est, bah, enfin en même temps c'était hyper rapide, hein, parce que j'ai... Oui, c'est vrai qu'on n'est pas resté longtemps, c'est vrai. Je suis arrivé, on a fait la fête à la Fuck Me I'm Famous justement, et on est reparti. Voilà, c'est ça. L'avion a un petit problème, enfin bon, tout en plus une histoire. Bon ben bah, Juju aussi qui dit, il faudrait peut-être qu'elle en parle à son père avant de dire quoi que ce soit à sa mère. Je suis assez d'accord, ça c'est par rapport par rapport à Vanessa. On aura d'ailleurs aussi Cindy qui voulait réagir dans un instant, et puis DJ Kylian qui dit trop fort ce David Guetta quand même. Bravo à lui. Et puis Denis qui dit, tu pourrais laisser Toff mixer les deux prochaines musiques entre elles pour voir ce que notre presque DJ vaut. Ah bah, pas besoin d'avoir un avant-goût, bah, pas besoin d'avoir une idée pour ça, hein. On sait déjà dès maintenant ce qu'il vaut. Hein. Ouais, ce sera parfait, ce sera le mix idéal. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais bon, je n'irai peut-être pas jusque-là. Bon, avant de récupérer Cindy, Vanessa, Samuel également, là, qui a trompé sa meuf et la maîtresse, enfin sa maîtresse est enceinte, elle lui fait du chantage. Décidément, c'est soirée spéciale chantage là. Eh ben, on va faire le meilleur ennemi. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec plaisir. Eh ben voilà, le meilleur ennemi la semaine dernière, ça a été à peu près ça. Hein. Bah oui, c'est vrai, il est tellement nasopieux, forcément. Voilà, Ah oui, naze au pieu, forcément, c'était l'appel à Inex, tout ça, donc c'était un petit peu compliqué. Et puis bah là, on accueille maintenant, c'est Juliette qui va jouer avec nous. Allô. Bah, bien, et toi? Eh ben, ça va plutôt pas mal, Juliette, tranquillement, là. T'appelles d'où, dis-moi? Moi, j'habite de Lyon. J'habite de Lyon. Oui, c'est pas mal. Moi, c'est un bel endroit, j'habite de Lyon, c'est parfait. Bon, Juliette, le meilleur ennemi est très simple. Le concept est donc d'appeler son ennemi, en fait, hein, son ennemi juré, pour essayer de lui faire croire qu'au final, on a envie de ressortir avec lui, de ressortir et de sortir avec lui. C'est deux différences. T'as vu, t'as encore écouté à moitié ce que je dis? Ouais. Ah bah voilà. Ou alors, simplement lui dire qu'on a envie d'être à pote. Donc, soit, normalement, il va pas être d'accord, et puis là, ça va partir en sucette. Soit il va être d'accord, et là ça va partir en sucette aussi, puisque tu vas lui dire, bah attends, mais même pas en rêve, j'ai envie de revenir avec toi, t'es ouf, etc. Donc je compte sur toi, Juliette. On va appeler qui? Donc ton ex, c'est ça? Oui, c'est ça. Ton ex, d'accord, ok. T'es sorti avec lui il y a longtemps? Alors je suis avec mon ex, ça fait 7 mois, donc ça fait bien. Ouais, ça vient faire 6 mois. 6 mois, d'accord, ok. Je suis et ça c'est. Avec lui 6 mois. D'accord, et ça a terminé pourquoi? Ça a terminé parce que je suis tombée amoureuse d'un autre garçon. C'est toi qui t'es barrée, t'as été voir ailleurs, c'est mal. Bah oui, mais il était pas satisfaisant. Il était pas satisfaisant. À quel niveau? Sexuellement parlant ou physiquement parlant ou mentalement parlant? De partout. Ah, de partout, d'accord, bon. Ok. Bon, la question c'est de savoir pourquoi t'es sortie avec lui dès le départ alors. Bah, je sais pas. Ah bah, tu sais riche. J'étais en dépression. Ah, c'est ça, t'as d'accord, ok. Bah ouais. Bon, écoute, Juliette, on y va, on va l'appeler maintenant, c'est parti, il s'appelle Vincent, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, allez, à toi de le rendre dingue maintenant, on y va. Il est toujours amoureux de toi ou pas? Bah, je sais pas, c'est pour ça aussi, parce que voilà. C'est ça, tu te prépares quand même un plan de secours, on sait ouais, jamais. Ouais, c'est ça. Bon. Si jamais l'autre te vire, d'accord. Allez, c'est parti, on y va, on est derrière, si t'as besoin de nous, tu nous appelles, au pire, on s'immiscera peut-être dans la conversation, on verra bien. Allez, bonne chance. Et je rappelle qu'il y a toujours les cadeaux à gagner, bien sûr, si jamais tu nous fais rire, hein. Fais-nous rire! Voilà. Allô? Allô? Vincent? Ouais. Ça va? Ouais, et toi? Bah, bien. En fait, je viens de casser avec Vincent. Mmh. Mon chéri à moi dans ce moment. Et pour deux Vincent. Je regrette trop d'avoir cassé avec toi, en fait, je te kiffe, quoi. Bah, moi aussi. Donc ça, voilà. C'est le risque. Hein. Donc voilà. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose de possible ou pas, comme avant. Bah, tu sais que c'est toujours possible. Bah, en fait, je t'explique. Il y aura jamais rien de possible avec toi. Ah ouais, d'ailleurs, elle le casse directement. Quoi? Je me fous de ta gueule, il y a rien de possible, en fait. Ah ouais, pourquoi tu fais ça? C'est trop marrant. Regarde, t'es trop honnête pour rien. Et en fait, t'as jamais été satisfaisant pour tout avec moi. Donc, de toute façon... Bah, alors, qu'est-ce que tu vas m'appeler, là? C'est marrant. Regarde, bah, tu t'énerves pour rien. Mais allez, mais ta gueule, tu fais de la merde. Non. Bah si. T'as un problème? Sinon. Bah ouais. Je vais te péter la gueule. Ah, parce que t'as encore des sentiments pour moi? Bah oui. Oh bah je suis... Excuse-moi, je suis trop désolée. Non, elle s'excuse. Ouais, c'est ça, elle va bien te faire foutre. Bah non, je vais pas me faire foutre, c'est toi qui vas lui faire foutre, ouais. Bah non. Mais t'es sûr? Bah oui, si tu vas foutre ta merde, là. Qu'est-ce que j'ai foutre ma merde? Tu vas voir, je vais voir. J'allais voir toutes tes potes, je vais leur dire Ah, c'est va dire alors bah, évidemment. Je vais te foutre de la merde comme avant. Ouais, vachement, qu'est-ce ouais, c'est vachement drôle. Oh là là, pauvre bichon, tu pars? Ça fait l'arche toi, hein. Non, non, ça c'est. Non. Ça fait rire que toi. Non, c'est pas vrai. Pour le coup, ça fait pas rire qu'elle. Ça nous a fait rire aussi. Même si au final, tu nous as fait un petit peu de peine quand même, hein, Vincent. Hein. Bon, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio là. Ouais. Et on jouait au meilleur ennemi. Alors, évidemment, il y a toujours le risque quand on dit ça. Évidemment, la personne d'en face est toujours, soit toujours en kiff sur l'autre. Évidemment, c'est le risque. Hein. Mais t'es toujours en kiff sur Juliette alors, Vincent? Bah ouais. Bah plus maintenant, ça t'a passé là, j'imagine, là, non? Bah ouais, mais bon, ça me fait chier parce que je l'aime encore, quoi. Ah bah ouais, mais bon là, là a priori elle non hein, ouais, c'est, là, je pense visiblement c'est définitif, hein. Là je sais pas ce que tu lui as fait Juliette, mais elle Vincent pardon, mais elle allait remonter hein. Bah ouais, j'ai vu. Qu'est-ce que tu lui as fait? Bah rien, je il a pas été assez bon au lit. Oh, ah, t'as pas été assez bon au lit, Vincent. C'est, bien, Juliette, c'est ça le souci? Bah pourtant c'est pas ce qu'elle disait hein. Ah ouais, mais ça après peut-être qu'elle est tombée sur meilleur, ou alors peut-être qu'elle dit ça uniquement pour tailler hein, ça ouais. C'est possible aussi hein. Bah écoute, tant mieux pour elle hein. Bah ouais. Bon bah très bien, bah écoute Vincent, bah tu vas trouver d'autres meufs là non? Bah ouais. Non. Bah monsieur, trouver d'autres meufs, on va l'aider tiens. Si vous êtes intéressé par Vincent, les filles, là le malheureux, t'es dans quelle ville Vincent toi? Je suis à Villars, les Dombes. D'accord, bon si vous êtes dans le coin, bah n'hésitez pas, hein, vous envoyez un petit message maintenant, 74 900, débutez le message par Mickaël et puis on filera ton numéro Vincent, ouais. Avec un peu de bol comme ça au moins il sera pas passé pour rien. Ouais. Voilà, ou sinon sur le Facebook ou sur le Twitter, là, vous avez tapé hashtag et Mickaël. Bon, allez, salut, Vincent. Allez, donc, salut, et, merci. Allez, ciao, Vincent, avec ciao. Plaisir. Bye bye. Et puis, Juliette. Oui. Bon, bah, t'es rentrée de vacances, toi, apparemment, là, c'est bien. Oui. Bon, bah, très bien, parfait. Bon, bah, écoute, Juliette, allez, tu restes au standard, on va te filer les cadeaux comme promis. Et puis, je te fais des bisous, Juliette, à bientôt. Merci beaucoup, gros bisous, bisous. Moi, bisous, bye bisous. Bye. Ciao. Oh, bisous, bisous. Eh oui, mais bisous, bisous, Juliette. Bon, bah, alors, on va récupérer. Si vous voulez faire le meilleur ennemi, on rejouera la semaine prochaine, un jeudi prochain. Vous pouvez, vous inscrire maintenant. Il y en a les cadeaux aussi. On aura. Blablabla. Je recommence. On aura les cadeaux aussi à vous filer, bien entendu. Il suffit de vous inscrire maintenant. 01 42 48 5000. Vous appelez, Sandro au standard. Ou alors 02 851 4x0. Il y a Denis qui dit le pauvre, il s'est pris un râteau en direct. Elle aura pu faire durer le plaisir. Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'elle a un petit peu, elle a un peu tué le délire là, Juliette. Hein. Il faut faire un petit peu plus long la prochaine fois. Il y a Nathan aussi qui dit, Mickaël, la violence de la fille. Oui, j'avoue aussi. Ouais, une minute. Il y en a qui voulaient la baston là. Ouais. Bah ça a pas pu se faire là. Hein. Ça a pas pu se faire. Et puis aussi Chris qui dit, oh le mec rage. Aïe aïe aïe. Mickaël dit, je vais te péter la gueule. Il m'a tué. Bah oui. Écoute, c'est ça arrive. C'est comme ça. C'est un peu ça le concept du meilleur ennemi aussi. Bon bah Cindy, Vanessa, vous êtes de retour. Oui. Enfin, surtout Vanessa, hein, parce que Cindy, on l'a pas encore eu. On va la saluer d'ailleurs. Cindy, 21 ans du Mans, dans le 7-2. Ouais, c'est ça. Très bien. Bah, sois la bienvenue, Cindy. T'appelles pourquoi? Merci. J'ai pour témoigner pour Vanessa. D'accord. Donc, Vanessa qui nous avait appelé parce qu'elle pense que son père a une maîtresse et est tombée sur un message. Et bah, on t'écoute du coup. Eh ben, moi, j'ai vécu à peu près la même chose, sauf que moi, je les ai grillés. Ah, mais t'as grillé qui? Ton père ou ta mère avec. Mon père. Ton père avec sa maîtresse. Exactement. D'accord. Donc ça fait un peu, c'est un choc total, sauf que moi j'ai fermé ma gueule, je suis partie et puis j'ai rien dit. Et quand ma mère l'a su, j'ai toujours rien dit, j'ai plutôt voulu me taire que de la blesser encore plus parce que je le savais. Ouais. Donc pour moi j'y conseillerais de rien dire à son père, ni à sa mère. Hein. Ouais, mais après, du coup, tu dois garder ça pour elle. Mais au final, moi, j'avais un autre conseil. C'est ça va être pourri, son conseil. Je sais que ça va être pourri. Tu fais chanter ton père et tu soutires de l'argent pour donner l'info à ta mère. Je savais que ça allait être un conseil en bois, là. Quel enfoiré. Mais oui, c'était sûr que ça allait être un conseil pourri. Non, je comprends pas, il était bien, mon conseil. Ouais, non, il était naze. Bon, et donc, du coup, le problème, c'est que tu lui conseilles de garder ça pour elle, certes, mais côté de ça, au final, c'est elle qui va devoir vivre avec, quoi. Alors qu'elle pourrait vendre sa vie. Moi, je l'étais, ils se sont quittés un peu après. Mais s'ils sont plus heureux l'un à l'autre, tant que son père le dise carrément à sa mère. Oui, ça, je suis, non, mais ça, d'accord, ça, d'accord. Mais je pense que ce serait peut-être bien aussi qu'elle ait une discussion, je sais pas, avec son père, tout simplement, on va dire ça, pour voir un peu. Ou alors qu'elle en parle carrément à son père avant sa mère. Pour voir qu'est-ce que lui dira. Après, Ouais, ça c'est une idée aussi, à voir. Hein. Qu'est-ce que t'as envie de faire, Vanessa, toi, là, comme ça, sans réfléchir, mais qu'est-ce que t'as envie de faire au fond de toi? Non, je sais pas. Ouais, on parle à mon père, mais bon, ça craint, quoi. Bah, ça craint, c'est juste que, comme je disais le début, c'est effectivement pas tes affaires. C'est ce qui se passe entre ton père et ta mère, et c'est pas ton business, normalement. Tu vois, c'est comme si ton père venait s'immiscer dans un truc, genre, il sait que t'as un deuxième mec et tout, il va commencer à te faire la morale. C'est pas son business. Ouais, non mais ouais. Bah ouais, voilà, au final c'est ça le truc, hein. Bon, il y a un message qui est arrivé aussi qui dit c'est bon de s'engueuler mais pas tout le temps, c'est Brian. Il y a Let's Be Freaks aussi qui dit en même temps ça la regarde pas la meuf si son père trompe sa mère. Bah voilà, c'est ça, fallait pas fouiller, je suis assez d'accord. Qu'est-ce qu'il y a aussi, la seule radio libre qui allie du bon son et des barres de rire, Mickaël. Ah bah c'est gentil, Zaraki qui a envoyé le message sur Twitter. Merci à toi. Il y a aussi un message qui est arrivé, moi je le dirais pas, je le dirais ni à ton père ni à ta mère. Je suis assez d'accord aussi, c'est vrai. Après c'est toi qui dois gérer, évidemment. Donc toi, Vanessa, tu lui conseillerais de rien dire? Non, c'est Cindy. Excuse-moi, oui, Cindy, c'était pour Vanessa, autant non, pour moi. Donc toi, tu lui conseillerais oui, de rien dire? Moi, je conseillerais de rien dire. Après, moi, je les ai grillés, elle a fouillé. C'est pas la même chose, mais... C'est vrai que c'est pas pareil, c'est vrai que c'est pas la même chose, ouais. Ouais, c'est vrai que de trouver papa pas dans maman, c'est, parfois c'est bizarre. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah non, moi, je les ai trouvés en train de s'embrasser, après... Oh, ça ouais. va, c'est encore soft. Ouais, c'est, oh, oui, encore. Mais je crois ouais. que là, j'aurais été vachement plus choqué, je crois. Sans blague. Bah, déjà là, c'est dur à vivre, au final, tu vois. Tu vois ton père ouais, avec l'autre, sachant qu'il est encore avec maman, tu vois, c'est un peu compliqué. Ouais. Bah, merci c'est Cindy, clair. En tout cas, d'être passé. On avait rien, y a pas de soucis. Bah, écoute, gros bisous, tiens, dans un instant. Ah bah donc ouais allez salut ah bah casse-toi alors ouais, hein, on est parti hein, c'est pas grave. Bon bah écoute Vanessa, bah tiens-nous au courant pour voir un peu comment tu vas faire là. Bah nous on te conseille de pas le dire, ou en tout cas de le dire à ton père, mais peut-être pas balancer à ta mère en tout cas, pas tout de suite quoi. Si tu vois si ton père commence à mal te parler, genre tu sais à t'engueuler, voilà, tu peux prendre la décision de le dire à ta mère, du coup. Mais s'il est honnête avec toi, s'il est honnête avec toi, c'est son business, pas le tien. Ah mais ça fait faux cul quoi. Ça fait faux cul, pourquoi? Non mais pour ma mère, tu vois, je trouve que ça c'est pas. Ouais, je sais, je sais. Mais c'est pour ça. Ou alors tu lui mets la pression. Tu dis voilà, écoute, moi je t'ai grillé. Explique-moi. Il va t'expliquer tout ce qui s'est passé. Et puis après, bah tu lui dis, écoute, voilà, bah je te laisse X jours pour le dire à maman. Sinon, je le dis moi. Voilà, tu lui mets la pression pour que l'honnêteté soit faite et que lui avoue. Ou je sais pas, tu vois. Ouais, okay. Et parle-en avec lui, je pense que c'est intéressant d'en parler avec lui pour qu'il t'explique aussi. Il y a peut-être une explication, il y a peut-être une raison, il y a peut-être un accord avec ta mère, on ne sait pas, c'est vrai, pour le coup, on sait pas. Donc, non mais c'est vrai, on rigole, mais ça se trouve, c'est vrai, on sait pas. Peut-être que ta mère est partie prenante dans cette histoire, que c'est elle qui vient filmer. Arrête un peu là, tu vois, tout de suite, faut que t'arrives dans les trucs improbables. N'importe quoi. Bon, Vanessa, tu nous tiens au courant, d'accord? Ça va. Bon, dans un instant, on va se mettre un peu de son là. Qu'est-ce que tu veux écouter? Il y a Carolina Marquez. Voilà, il y a celui-là, puis sinon il y a aussi Major Lazer. Ou encore Hardwell. Il y a un son que tu veux écouter plus qu'un autre? Non. Non? Bon, tu me dis, hein? Non. Bon, bah fais au hasard. Un, deux ou trois? Le 3. Le 3, bah ce sera Hardwell alors. Très bien. Bah voilà, Vanessa, je te fais des gros bisous en tout cas. Ouais, merci. Allez, à bientôt, ciao à toi. Et puis on va récupérer Samuel aussi dans un instant, qui a trompé sa meuf, la maîtresse est enceinte. Bref, c'est un gros bordel, on revient dans un instant en direct sur Fun. Mickaël No Limit jusqu'à 23h. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël No Limit. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit, 20h, 23h. Sur Fun Radio. Exactement, ouais, sur Fun Radio, on est là en direct. Allez, venez parler avec nous. Il y aura le tirage au sort aussi tout à l'heure pour savoir lequel d'entre vous partira direction Ibiza. Puisque depuis le début de la semaine, vous savez, on joue ensemble pour que vous puissiez partir à Ibiza faire la teuf avec vos potes et avec tous les auditeurs de Fun Radio à la Fuck Me I'm Famous. On aura aussi dans quelques instants Samuel qui a trompé sa meuf et c'est sa maîtresse du coup qui est enceinte. Et donc forcément, il y a chantage là derrière. Il y a encore les vannes de Toff là, puisqu'on est tombé sur ce reportage. Il y a deux jours, ils en ont parlé aussi ce matin là sur M6, comme quoi, eh bien, les femmes étaient programmées pour kiffer les mecs drôles. Donc du coup, depuis mardi, ils essayent d'appeler des filles pour les draguer avec des blagues. Et pour l'instant, combien de meufs a réussi, t'as réussi à pécho? J'arrive plus à les compter, tellement zéro. Attends, un moins un. Ah bah zéro, c'est ça, hein. Ah oui. Ah bah voilà, c'est ça, ouais, c'est effectivement ça. Je pense que tout est dit à ce niveau-là, hein. Je m'étais pas rendu compte, mais en fait, oui, c'est ça. Ça fait ce gros chiffre. Ça fait ce gros chiffre, une grosse bulle comme ça. Allez, restez sur Fun Radio, Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 23h en direct sur Fun Radio en toute la France et la Belgique. Et on écoute le son d'Hardwell maintenant, c'est Apollo sur Fun. C'est Fun Radio avec Mickaël No Limit sur Fun Radio jusqu'à 23h et tous vos messages aussi, n'hésitez pas avec le hashtag Mickaël, ça se passe sur Twitter évidemment et puis il y a également le Facebook, facebook.com/mikaelofficiel avec toujours les deux photos, hein. Les deux photos donc qui sont postées, photos donc de Shanice qu'on a eu hier soir qui est postée sur le Facebook et c'est marrant parce que Shanice plus de 300 likes alors qu'il y a Seb qui était aussi avec nous hier soir qui lui aussi cherche une copine, j'ai mis la photo de Seb et donc que 100 likes. Étonnant. Mais moi si je mets une photo, je peux avoir des likes aussi ou pas? Je crois pas, non. Ah bon. Non, je crois que comment t'expliquer si Seb qui est déjà plutôt beau gosse a pas réussi à avoir plus de 100 likes, comment t'expliquer que je pense que toi c'est compliqué à mon avis. Bon. Enfin moi je dis ça après tu fais comme tu veux mais voilà. Bon, il y a je peux rappeler un peu alors. Ouais, on va rappeler. Attends, justement d'abord, il y a Lucas qui dit sur Facebook, ne jamais suivre les conseils de Toff. Juju qui dit je suis d'accord avec Mickaël, faut d'abord qu'elle parle avec son père même si cela ne la regardait pas au départ. Ça je suis assez d'accord également, on venait d'en parler juste avant. Et Ludivine qui dit écoute Mickaël, c'est beaucoup mieux que de regarder la télé. Merci Ludivine, ah bah oui. Effectivement, c'est un très très bon conseil, je suis assez d'accord. Avant d'appeler, il y a Samuel qui est avec nous. Samuel, 21 ans, de Saint-Raphaël. Allô Samuel ? Allô. Dis-moi, tu appelles parce que bah on t'a eu hier, hein. T'as trompé ta copine et ta maîtresse, la meuf avec qui t'as trompé ta copine, est en cloque. Et résultat, aujourd'hui, c'est un peu la guerre. C'est ça. Par contre, si je parle un peu doucement, c'est normal, il y a ma copine à côté. Oui, c'est bien raison. C'est normal. Le mec, toi tu te mets dans une merde, mais complètement noire, quoi. Bon, allez, bah c'est pas grave. Tu peux chuchoter. On va chuchoter aussi. Ouais. Ça marche. La timidité. Par solidarité, on va tous chuchoter. À vous aussi d'ailleurs, si vous êtes en train de parler chez vous, chuchotez. Et écrivez plus petit aussi sur Twitter. J'ai une petite blague pour commenter si vous voulez. Ah bah en plus il est dans une merde noire mais il veut quand même faire une blague. Bon bah vas-y pour la blague alors. Hein. Il y a une fille de 18, 19, 20 ans qui joue dans une cage d'escalier. Celle de 18 ans, elle voit une tache par terre et dit tiens il y a du lait. Celle de 19 ans, elle met son doigt S1 et dit non c'est du sperme. Celle de 20 ans, elle met son doigt S1 et goûte, elle sent plus c'est même pas du quartier. Allô. Ouais. Je vais être accroché au nez, mais finalement je me suis dit bon quand un peu de respect, le mec il est dans le caca là justement donc. Je comprends pourquoi t'es dans le caca. Parce ouais que ouais pas franchement fufu, ouais. Hein, attends y a Toff qui veut montrer ce qu'il peut faire là. Attends, on va passer un petit coup de fil, on te prend juste après. Tu restes là Sam. Ça marche. Bah reste avec nous tiens justement. Attends une seconde, c'est parti. On va appeler là puisque apparemment. Je vous en fais une petite avant d'y aller. Allez vas-y. Un geek vous savez ça s'ennuie jamais hein. Ouais. Non ça se fichier. Oh là là, ça se fait chier. Bon, on appelle maintenant. Je rappelle que donc on est tombé sur un sondage. J'aurais mieux fait de rater. J'ai raté l'occasion de ne pas lire ce sondage. Ouais. Donc il dit que apparemment les meufs sont automatiquement réglées de naissance pour kiffer les mecs drôles. Mais oui. Et donc depuis mardi, Toff est persuadé qu'il va pouvoir réussir à pécho des meufs grâce à ses blagues. Pour l'instant, zéro pointé. On va appeler maintenant et on va voir s'il a plus de chance. Allez, c'est parti. Une chance à ton avis, Samuel? N'importe où. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai vu un reportage sur M6 qui disait que les femmes étaient faites pour aimer les hommes marrants. Oui. Et donc, je voulais vous raconter des blagues pour voir si on pouvait se rencontrer. Attendez, n'inquiétez pas. Non, mais. Papa. Non, mais je veux pas parler avec papa. Reviens. Maro. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que je peux reparler avec votre fille? Pourquoi? Bah parce que j'aime pas les hommes en fait. Et donc allô? Apparemment ouais. Il est pas apprécié. Hein. Ouais, lui même pas a priori. Bon, attends, on va le rappeler. Il avait l'air beaucoup bon client. Allez. On décroche. Oui, allô? Ah, il était très sympathique lui pour le coup. Hein. Ah, c'était rapide, efficace, court. Efficace, je sais pas, mais en tout cas rapide. Bon, allez, retour avec Samuel. Tu vois, finalement, il a pas eu beaucoup plus de succès. Hein. Il a même pas eu l'occasion de faire la blague, c'est pour te dire. Ah, mais s'il veut, je lui donne un numéro, j'en ai un. Ah bah attends, tu vas le donner dans un instant. On va appeler juste après. Bon, reparlons de ton problème parce que à la base, c'était un problème assez grave. Tu nous appelles pour en parler ou tu veux faire des blagues? Non, on va en parler. Il est au top, Samuel. Bon, alors, vas-y, dis-nous quel est le souci, c'est qu'a trompé ta copine. Ça, c'est une fait, tu nous en avais déjà parlé, je vais y arriver moi ce soir. Et donc bah le problème c'est que ta copine, enfin ta maîtresse est tombée enceinte. Et maintenant elle me fait du chantage. Et mais maintenant elle te fait du chantage. Moi je veux pas, mais est-ce que tu as la preuve qu'elle est enceinte? Ouais. Test de grossesse. Ouais, mais ça veut rien dire. Le test de grossesse, ça peut être le test de grossesse de la meilleure amie ou tu vois. Ouais, parce qu'avec Polo, on regarde Secret Story, ils ont mis un test de grossesse aussi, et pourtant ils voient rien. C'est que j'en fume. Mais et c'est toi, t'es sûr qu'il est de toi l'enfant? Ouais, parce que elle a eu une relation qu'avec moi et. Ouais, mais c'est... ça c'est ce que tu dis, parce que regarde ta copine, elle est persuadée que t'as une relation qu'avec elle. Hein. Voilà. Ouais. Est-ce que la fille de 25 ans a goûté? Comment? Il rebondissait à ta vanne. Ouais, dit ce que la fille de 25 ans a goûté. Ouais, non, laisse tomber. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Bah, écoute, il y a un moment, oui. Donc, si tu lui dis, si tu veux, si tu ne restes pas avec ta maîtresse, en fait, elle menace de balancer tout à ta copine, c'est ça? C'est ça. Bon, et toi, évidemment, tu préfères garder ta copine. Ah bah ça, c'est sûr. Évidemment, ça t'a pas traversé l'esprit quand t'as été baiser l'autre. tu peux partir, toi, chérie. On est bon là, on est bon là. À côté. On est bon. On est au top. Il y a sa meuf à côté. Ouais, ouais. Parce que là, ça peut s'embrouiller là. Là, ça peut s'embrouiller. Ah là, on est au top là. Ah, il a raccroché. Ah, il est parti. Vas-y, rappelle. Oh, c'est chaud. Ah ouais, il y avait ça de Nathan, c'est pardon, Nathan Gatcha qui dit je pense qu'elles sont plutôt programmées pour aimer les mecs cultivés. Ah, c'est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Chris qui dit le mec trompe sa femme, veut des solutions, il cale des vannes et il appelle à côté d'elle, mort de rire. Tient-il à la vie? C'est que hier il devait passer déjà. Ouais. Et quand je l'ai appelé pour passer, il y avait les flics chez lui. Les flics? Oui, il a toujours un problème, Samuel. Mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Là ah, il passe son temps à essayer de faire des vannes, c'est ouf. Et il y a Juju qui dit Samuel doit dire la vérité aux deux filles pour pas se foutre dans la merde plus qu'il ne l'est. Oui, effectivement. Bon, est-ce qu'on a récupéré Samuel? Allez, de retour. Oui, Samuel, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Bah, elle m'a sauté dessus, ma copine. Sexuellement ou juste parce qu'elle voulait te taper? Non, mais sexuellement, mais bon, je lui ai demandé de partir. Ouais. Sinon ça allait mal finir. Bah ça allait non, ça allait plutôt bien finir. Après ça dépend pour qui, mais bon techniquement pour toi normalement ça aurait dû bien finir. Bon, et du coup tu l'as viré comment là? Parce que si elle avait envie de toi et que toi t'es au téléphone avec une radio en train d'expliquer que tu l'as trompé, que t'attends un gosse avec une autre et qu'elle avait envie de te sauter dessus sexuellement, je pense qu'il y a quand même un gros malaise hein, dans l'affaire. Hein. Moi j'ai envie de dire. Je vais sortir de la chambre et j'ai fermé la porte à clé. Ouais. Mais propose-lui de mettre fin à la radio, je pense que c'est comme ouais, ça. Ouais voilà. Comme ça elle participera. Ouais. Hein bon, non, et tu lui dis d'envoyer des Twitter hashtag Mickaël comme ça elle peut. Comme ça, elle peut directement participer, c'est parfait. Bon, écoute, il y a un moment, il y a un message qui est arrivé qui disait que tu devais peut-être être honnête avec les deux, c'est Juju qui disait ça, et l'avouer en fait à ta copine pour que le chantage marche plus avec l'autre. Parce que tu vois, ta copine, elle dirait, ta maîtresse, pardon, bah, le seul chantage qu'elle a avec toi, c'est d'aller balancer à ta copine que t'as couché avec elle, qu'elle est enceinte de toi, etc. Si tu lui balances tout à l'avance, elle aura plus rien, elle aura plus d'armes. Ouais, mais après, elle va me quitter, ça, j'en suis sûr. Oui, bah oui, mais ça, mec, t'as fait une connerie, il faut assumer maintenant, hein, Samuel, hein. Ouais, oui, voilà, après, tu pourras retourner avec ta maîtresse. Et voilà. Vous élèverez votre enfant et vous serez heureux. Tu pouvais pas faire comme moi, regarde, moi, j'ai vu une pure blonde tout à l'heure dans la rue, mais j'ai regardé, voilà, c'est tout. J'ai pas été couché avec elle pour autant. Voilà, pour le plaisir des yeux, elle était belle, j'ai regardé, et j'ai même partagé sur le Facebook d'ailleurs avec vous. Toi, tu pouvais pas juste regarder. Non. Tu peux pas faire comme moi, t'y allais, elle te jette et bah oui, bah là elle l'a pas jeté pour le coup hein. Y a un message de Nathan John qui dit il trompe sa copine, sa maîtresse est enceinte, il est sur Fun et sa copine est à côté, ce type est fort. Oui, il est pas fort, il est pas mal hein. Y a Chinella aussi qui dit je pense que il faut qu'il lui dise lui à sa copine, au pire il a fait une connerie, alors autant l'assumer. Ouais, mais c'est pas une connerie là, il va être papa. Enfin, c'est au-delà de la connerie là, c'est dire que tu sais c'est pas juste des responsabilités. Mais oui, non mais voilà, et bah, visiblement t'as pas l'air de réussir à les moi je pense garder. Que le mieux c'est tu vas voir ta copine, tu lui dis deux mères c'est mieux qu'une pour élever un enfant. Ouais, surtout qu'on en avait déjà parlé, en plus ta copine elle aimerait bien avoir un enfant. Ah oui, en bah plus ouais. Tu vois elle aura pas les emmerdes de devoir le porter neuf mois. On avait déjà fait cette vanne il y a deux jours. Ouais, je sais, mais il y a les vomissements, tout le monde était pas là, tu vois, donc ouais, c'est ça, les vergetures, tout ça c'est pas mais ouais, ouais, ce sera pas pour elle. Ouais, pas besoin de faire de la rééducation après. Non, franchement, bon, est-ce pas que très arienne, non, elle a tout gagné. Est-ce que t'en as parlé à ta maîtresse pour voir qu'est-ce qu'elle veut exactement? Parce qu'elle se doute bien. Elle veut que j'aille avec elle et que je reste avec elle. Non, mais d'accord, mais il y a un moment, elle doit se rendre compte aussi que c'est pas avec du chantage. Enfin, tu crées pas un couple viable sur des bases de chantage. Oh, si, t'as fini. Ah, mais ça, c'est sûr, j'ai parlé avec elle, mais bon, cette fille, elle est bornée, je peux rien faire d'autre. Bah, tu veux qu'on l'appelle? Oui, on peut l'appeler, ouais, si tu veux. Hein. Non, non, je préfère pas. Et on l'appelle, on met ta copine et la maîtresse et on te fout au milieu. Oh, c'est bon, ça. Et nous, on regarde. Non. Enfin, on écoute. Moi, ça me paraît un bon plan. Bon. Je pense que je peux me marrer jusqu'à 23h. Non, ça va aller, merci. J'ai pas envie de mourir. Allez, fais ça pour l'audience. Allez, je l'appelle, je lui fais des blagues. Non, non, c'est bon. C'est une idée. Bon, il y a un message qui dit « J'ai une idée, le gars doit dire à sa meuf « Elle m'accuse de l'avoir mise enceinte, mais c'est faux. » Ouais, sauf... C'est pas con, ça. C'est... Ouais, c'est pas con, mais ce n'est que reporter le problème à plus tard. Parce que si tu es vraiment le père et qu'elle accouche et qu'elle arrive avec le test de grossesse qui dit « Regarde !» Enfin, le test de paternité ou je sais pas quoi, et qu'elle prouve à ta copine que tu t'es foutu de sa gueule deux fois d'affilée, je pense que là, tu peux prendre très cher. Oui. Ouais, ça, j'en suis conscient là. Sinon, il y a Dan aussi sur Facebook qui dit dans les deux cas, il en perdra une, donc autant en chercher une troisième au cas où. Bah, moi, je serais partisan de cette théorie. Ouais. Sans blague. Bon, bah, si vous avez des conseils à donner à Samuel, est-ce que vous avez déjà trompé votre copine, votre copain? Est-ce que vous avez déjà, du coup, eu des problèmes? Comment ça s'est passé? Vous l'avez avoué ou pas? Est-ce que, comme Samuel, votre copain, enfin, votre copine en l'occurrence, la maîtresse plutôt, est tombée enceinte? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez géré? Bah, venez nous en parler, hein. 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard. Et pour la Belgique, 02 851. 4x0. En tout cas, plein de conseils qui arrivent aussi sur le Twitter, là, le hashtag est Mickaël. Bon, Samuel, tu restes avec nous 5 minutes? Ça marche, je passe le numéro pour toi. Non, attends une seconde. Il y a Franck qui est là aussi qui voulait donner un conseil. Franck, t'es là? Ouais, okay. Ouais, je suis là. Salut Franck, t'appelles du 28, toi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, et t'appelles pourquoi Franck? Bah, par rapport un peu au problème de Mickaël, parce que. Non, c'est Samuel. Moi, oh là là, moi je suis blanc comme neige, hein. Il me met pas dans ce bordel, hein. Je n'ai rien fait. Que ce soit clair. Bon. Alors, parce que moi j'ai une maison, j'ai viré ma femme. T'as une maison et t'as viré ta femme? Voilà. D'accord. J'ai trouvé quelqu'un d'autre et puis, bon, enfin, elle est enceinte. Hein. C'est pas le même cas. Mais, c'est vrai que dans son cas, je sais pas ce qu'il compte faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé, toi? T'as viré ta femme parce que tu l'aimais plus, parce que t'as été voir ailleurs, parce qu'elle a été voir ailleurs? C'était quoi l'histoire? Non, moi, c'est d'autres gros problèmes financiers. Bon, gros financiers. D'accord, ok, mais c'était ta femme ou c'était ta copine? Non, c'était ma femme depuis 18 ans. Ah, depuis 18 ans? Ah ouais, il faut changer à maman, hein. Donc, tu l'as bien compris. Et ouais. Du coup, qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais à la place de Samuel? Bah, s'il la met enceinte, déjà, faut qu'il reconnaisse le gamin. Oui, c'est pas obligatoire, mais oui, ça paraît juste logique dans un premier temps, hein. S'il la met enceinte, il y a pas de raison que ce soit qu'elle qui assume. À côté de ça, il y a pas de raison non plus que tu vois, si lui dit moi je veux pas garder l'enfant et qu'elle elle veut le garder, à un moment c'est à elle de l'assumer, tu vois. Ils ont pas fait, ils ont fait l'enfant à deux, mais ils auraient pu choisir la solution de l'avortement, par exemple. C'est une solution qui existe. Si elle décide de le garder, bon, bah, c'est son business. Mais de là faire du chantage, c'est là qu'elle est pas honnête, la fille. Non, là, déjà, la fille est pas honnête. Déjà, Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est une première chose. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et que, t'as de l'oseille, Samuel, ou pas spécialement? Bah, moi, je suis à l'armée, donc ouais, je gagne bien ma vie. Ah, voilà. Elle veut un mec de l'armée, comme ça, les pépères, hein. Une petite rentrée à vitam aeternam là pour l'enfant. Non, mais voilà, après t'as des filles qui sont comme ça, peut-être qu'elle accouche avec toi uniquement dans le but d'être en cloque, hein. Oui, elle voulait un beau mâle, un beau militaire. Et t'as quand même pas de chance, hein. Tu vois, t'as des couples qui essayent d'avoir un gosse, ça marche pas. L'autre, il met une cartouche, ça y est, c'est le jackpot, quoi. Bah, c'est pareil, hein. J'essaye d'avoir une meuf, ça marche jamais. Ouais, hein. Non, mais ça, c'est différent après encore, hein. Ça, c'est un autre problème. Ouais, bah, c'est ça. C'est un autre problème, c'est différent. Bon, attends, il y a Jennifer aussi qui voulait réagir à toi. Il y aura Marion aussi. Tiens, ça va les filles? Oui, ça va, nickel, et toi? Salut. Bah, très bien, Marion et Jennifer, maintenant que vous êtes là, tout va bien? Parce qu'on était un peu emmerdés avec des mecs, là, et tout, on se faisait un peu chier. On se faisait chier. Maintenant, il y a des filles, donc ça va beaucoup mieux, là. Bon, les filles, vous vouliez réagir à Samuel, on va vous prendre dans un instant. D'accord, bah, restez bien là, et puis j'ai du son pour vous, là. Dites-moi ce que vous voulez entendre, j'ai Stromae. Voilà, sinon j'ai aussi Major Lazer. Voilà, ou alors Rodriguez. Attends, il est où là? Il est là. Alors Marion, tu veux quoi là? Moi, je veux bien Stromae. Stromae, très bien. Stromae, c'est la version Portugal. On va mettre Stromae dans quelques instants. Et Jennifer, tu voudrais quoi, toi? Stromae. Ah bah Stromae aussi, bah très bien, bah il va arriver dans un instant les filles. Vous bougez pas, Samuel et Franck, restez là également. Et puis bah vous toutes et vous tous en direct, on est jusqu'à 23h sur Fun Radio, c'est Mickaël, No Limit. Et on revient avec notamment un message qui est arrivé qui dit de toute façon il va perdre les deux, qu'il prenne une troisième. Ça rejoint un peu le message que Dan avait balancé effectivement sur le Twitter. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. On est en direct sur Fun Radio là jusqu'à 23h et attention, je viens de tomber sur une vidéo mais pas improbable, on est au-delà de la probabilité là, c'est-à-dire que je vais vous la mettre là dans... Je suis en train de vous la mettre pendant la pub là, je vais vous la mettre maintenant, c'est une meuf qui est en train de chanter en faisant ses cheveux là, en mode préparation de boîte. Vous allez voir, elle a peur de rien, hein. On va vous la mettre, c'est une petite brune là, vous allez voir sur facebook.com/mikl officiel. Je vous la cale dans là, tout pété, une minute elle est en ligne. Voilà, facebook.com/mikl officiel, je compte sur vous pour aller voir ça. Et puis côté son sur Fun, c'est Stromae qui s'y colle maintenant, le belge là, enfin je vais le dire à la version de Jennifer là, Stromae, la version du Portugal, c'est Stromae qu'on écoute et c'est Papa Outé maintenant sur Fun Radio. Allez, bonne soirée tout le monde, là jusqu'à 23h sur Fun Radio. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. C'est Fun Radio, Stromae sur Fun à l'instant avec Papa Outé, Mickaël No Limite. Là on est là jusqu'à 23h sur Fun Radio. Et puis bonnes vacances là si vous êtes en mode départ là. Bah ouais, c'est le 1er août là. Et puis bah pas de bol également pour ceux qui sont en mode retour, hein. C'est dommage, ouais, aussi. Ça va encore être bien ce week-end. Ah, ce week-end ça va être un peu le bordel, ouais, je pense effectivement. Ouais. Bon bah en tout cas, bah bon courage là si vous êtes sur le point de partir. Et puis bah bon courage si vous êtes sur le point de revenir, hein. Dans les deux cas ça va être un petit peu relou au niveau de la route. En plus avec la chaleur là qui fait, ça va pas être facile. Bon, ce qui n'a pas été facile non plus, je remercie le mec qui nous a balancé la photo de sa copine ou de son ex-copine, enfin peu importe, photo en mode séchage de cheveux, la préparation de sortie, je viens de la mettre sur le Facebook. Alors pour ceux qui ont pas internet là tout de suite, je vous mets le son maintenant là. Écoutez bien, la meuf elle est championne du monde. Oui. Je vous explique le concept en fait, c'est-à-dire qu'elle est en train de chanter avec un fer à lisser et puis elle transforme son fer à lisser en mode micro, sauf qu'elle prend le truc qui crame. Voilà pourquoi elle gueule à la fin en fait. Oh là là, oh, là bon, là, ça. Je vous la remets. Là. Et là ça brûle, oui, ça fait mal évidemment. C'est bizarre, c'est chaud. Je vous la remets. Eh oui, ça brûle évidemment, oui, ça fait mal, c'est normal, voilà. Bon, ouais. On rigole, mais j'en connais une à côté de nous qui serait capable de faire pareil. Ah, Sandro, mais plutôt deux fois qu'une, même effectivement. Oula, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Plutôt deux fois qu'une, effectivement, deux fois qu'une, oui. Mais j'y arrivais d'ailleurs. Bah oui, ça m'étonne pas. C'est bizarre, bon, ça ne vous étonne pas. Oui. Allez voir la vidéo là, je viens de la poster sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Vous venez nous rejoindre, vous venez liker la page et puis vous aurez accès à cette magnifique vidéo avec la meuf qui est en mode préparation de sortie, en train avec son fer à lisser là. C'est ça, hein, c'est faire lisser ou à boucler, je sais plus quoi. À boucler, ouais. À boucler, puis elle le prend en mode, elle est en train de chanter, puis elle le prend en mode micro, elle se crame les mains évidemment et sa gueule, quoi. En fait, c'est là qu'on voit que les meufs elles sont jamais contentes. Hein. Quand elles ont les cheveux bouclés, elles prennent un fer à lisser. Quand elles ont les lisses, elles prennent un fer à boucler. Je me suis coupé les cheveux, j'en peux plus là, j'en ai marre, elle me saoule ma coupe. Ouais, mais d'ailleurs, elle a mis des cheveux plus longs là maintenant, elle a mis des faux cheveux. Bah hier, oui. Ah hier, ouais, parce que comme ils sont trop courts. Je coupe les cheveux, ah mais non, je veux plus soient plus longs. Je coupe les cheveux, ah mais non, je vois plus qui plus long. C'est ça. En gros, c'est ça. On a les extensions maintenant. Ah bah oui, quelle chance. Bah oui. Bah oui, là oui, bah effectivement, oui. On a du bol. Bon, allez voir ce siècle. Ouais, allez voir la vidéo donc sur facebook.com/mikl officiel et puis laissez vos commentaires, on en lira quelques-uns tout à l'heure. Retour avec Samuel qui a trompé sa meuf, la maîtresse est enceinte et c'est le bordel, un bordel sans nom. Marion qui est là également, là, 19 ans de Lyon. Bonsoir Marion. Bonsoir Marion. Dis-moi, est-ce que comme dans la vidéo, t'as déjà eu l'occasion de chanter pendant que t'étais en train de faire tes cheveux et de te cramer la main du coup avec le fer à boucler? Mais j'ai déjà crémé la main et chanté avec mon fer à cheveux, mais pas les deux en même temps, non. Oh là là, c'est dingue. Donc t'étais en train de chanter avec ton fer à cheveux, t'étais là, en train de chanter avec ton fer à cheveux, et normal. Bah ouais. Mais ouais. Attends, toutes les meufs elles chantent dans le pommeau de douche, hein, faut pas me la faire à l'envers. Hein. Ouais. Elles chantent dedans, hein, pas. Dedans, bien évidemment. Bon, elles chantent dedans. Marion. Oui. Bon, toi tu voulais réagir à Samuel, toi, donc qui a trompé sa meuf, la maîtresse est enceinte et aujourd'hui dans une merde sans nom. Qu'est-ce que tu voulais dire, Marion? Dis-nous. Il y a un an, mon mec m'a trompé aussi et a rendu sa maîtresse enceinte. Ah bah voilà, bah nickel. Enfin nickel pour toi, oui, mais je veux dire. Mais non. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. Mais par rapport à Samuel, là pour le coup, on est pile poil dans le même sujet, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, et alors, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, il rentre le soir au boulot en pleurant, je me demande ce qui se passe, puis il m'avoue d'un coup, bah voilà, j'ai rendu Sandra enceinte, puis je me. Au début, je croyais que c'était une blague. Sandra, t'es enceinte? J'ai pas suivi qui est cette personne. Rien, c'est Marion qui dit que son mec l'a trompé avec une meuf qui s'appelle Sandra et voilà. Qui est tombée enceinte. Voilà. Bon, et donc? Désolé. Sur le coup, je l'ai pas cru et finalement, il m'a tout avoué et puis oui, si c'était vrai, j'ai même rencontré la femme. Waouh. Bah, on a eu. Et alors, elle t'a plu ? J'ai cru que j'allais la taper. C'est dingue. J'étais sur les nerfs. Mais pourquoi c'est toi qui as voulu la rencontrer ? Non, c'est elle qui voulait me rencontrer à tout prix. Moi, je voulais pas parce que bon, ça me mettait sur les nerfs. Donc la maîtresse, on est d'accord, hein ? Oui, oui. Et elle t'a dit quoi ? Elle m'a dit, bah voilà, c'était une faute, c'est la semaine dernière, le mois dernier, excusez-moi. Le mois dernier, quand à la soirée, on s'est un peu emballé et je suis tombée enceinte. Je lui dis, bah, ah bon, je croyais que c'était une blague et finalement, non. C'est ça, en fait, jusqu'au bout, t'as cru, t'as espéré que c'était une blague et en fait, pas du tout. Ah ouais, non, franchement, j'ai cru et non, finalement, non. Mais c'est quoi, ouais, elle voulait soulager sa conscience ou quoi ? Je sais pas. C'est chaud quand même. Marc, oui. Bah ouais. C'est ça qui est bien, c'est que les gens qui font une connerie, c'est pour soulager leur conscience, ils vont pourrir la vie. Bah c'est ça en général, hein. Bah ouais, au final c'est un peu ça, ouais. Et donc du coup, comment ça s'est terminé ? Tu l'as viré, t'as viré tout le monde ou ? Bah j'ai envoyé se faire foutre. Ouais. C'est le cas de dire, parce que moi j'étais un peu énervée. Sans déconner. Et donc mon mec, ben, l'a accompagné pour qu'elle se fasse avorter. Ah, voilà, il a quand même été jusque là, c'est bien, c'est bien. C'est mignon, c'est sympathique. Bah oui, évidemment. Je me sentais mal à côté, je me suis dit, sans blague. Il m'a foutu cocu et il a foutu l'autre enceinte, en plus qui est la copine de son meilleur ami. Oh là là. Ah bah là, il a fait la totale, là. Ah ouais, ça y est, il a réussi, il a tout réussi là. Oh là là, dis donc, putain, quelle violence. Il le fait toujours pas. Ah bah oui, évidemment, bah, celui toujours pour courant là. Bah oui, on va l'applaudir. On fout la merde. Non. C'est toi qui va lui annoncer. C'est ça. Marion, t'as pas envie de faire un meilleur ennemi la semaine prochaine là avec nous ? Non, ça va. Avec la maîtresse. Avec la maîtresse et avec le copain là. Tu sais, tu lui dis, vas-y, viens, écoute, on ressort ensemble, j'ai envie d'un bébé de toi pour qu'on rigole un peu là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça pourrait être rigolo ça. Ça pourrait être rigolo. J'aurais mal, hein. Bah, ah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, bah attends, il y a Jennifer aussi qui est là. Là, il y a plein de messages qui arrivent aussi par rapport à la vidéo. Là, Let's Be Freaks qui dit, je viens de voir la vidéo, elle est trop lol la meuf. Il y a aussi Aurélia qui disait ça. Et puis allez voir la vidéo, hein. Donc avec la fille qui est en train de chanter avec son espèce de fer à boucler les cheveux là. Et donc du coup, elle chante et elle se crame les mains parce qu'elle prend son fer à cheveux pour un micro. Et donc forcément, ça fait mal. Je viens de la mettre sur Twitter aussi. Donc retweetez là pour la balancer à tout le monde. Là, ça me paraît pas mal. Et Ludivine qui dit passer sa soirée, écoutez Mickaël, c'est juste extra. Bah tant qu'on se brûle pas, c'est bien Ludivine, merci à toi en tout cas d'être là. Bon, alors, Jennifer, 25 ans, toi t'appelles de Deauville ? Oui. Ah bah ça va, tranquille, t'es bien là-bas ? Ah, super. En mode tranquille ? Il fait chaud, là, il y a la plage, c'est que du bonheur. Bah c'est clair, hein, c'est clair. Et puis il y a les casinos, fait tout ça quoi. Trop du c'est ça. Bon, alors, Jennifer, toi tu voulais réagir aussi à Samuel, toi alors explique-nous d'où. Donc moi j'ai été dans le même cas que lui, je suis restée en couple pendant 4 ans. Attends, toi aussi t'étais dans quel cas ? Dans le cas où t'étais la maîtresse ou dans le cas où tu t'es fait tromper par le mec ? Où moi j'ai trompé et je suis tombée enceinte. Wow. Ah d'accord, ok, donc c'est encore autre chose là, très bien. Bravo. Et j'ai avoué à mon copain avec qui j'étais que j'étais enceinte d'un autre. Ah oui. Tu lui as pas dit, chérie, j'ai une super bonne nouvelle, j'ai ton enfant ? Non, pas vraiment, non. Surtout que c'était un copain à lui, donc c'est oh un peu là plus là. Compliqué. Ah bah. Oh, mais là, vous tu êtes connais, au top, là, tu hein. connais Marion ou pas ? Non, du tout. Ça se trouve, ouais, c'était le même groupe. On se complète. Donc, après, je suis restée avec lui. J'ai accouché. Il m'a dit que c'était pas grave, qu'il reconnaîtrait comme si c'était le sien. Et au moment d'accoucher, bah, monsieur, 8 jours après, s'est barré. Oh, putain. Ah, quelle et la copine, tout, dans l'histoire, au final, elle est partie, on l'a plus jamais revue. Ah ben non, mais c'est moi qui ai trompé, donc c'est le avec son copain. J'ai trompé mon ami avec qui j'étais, avec son meilleur copain. Ouais. Je suis tombée enceinte, donc je l'ai avoué. J'ai avoué aux deux. Voilà, et au bout du compte, je me suis retrouvée toute seule avec Ah oui, d'accord, ton mec s'est barré, et puis le meilleur pote aussi. Voilà. Quelle angoisse, mais que... Bah oui, mais ça en même temps... il a bien attendu que j'accouche pour se barrer. Ouais, oui, ça c'est... Bah ouais, mais après t'as fait de la merde aussi, Jennifer, hein. Ah bah oui, mais bon, dans ces cas-là, il avait qu'à me dire ciao avant, quoi. Oui, non, ça c'est vrai, ça je suis d'accord. Mais ça, bon, je suis après, d'accord. Pour être honnête, ouais, c'est pas tard de sa part. De quoi tu dis, Samuel? Moi, j'ai dit, c'est bâtard de sa part quand même. Bah, oui, oui. Ah, t'es gonflé, moi, t'as ta meuf qui est dans la pièce d'à côté, toi. Bah, voilà, après, il faut l'avouer, c'est gentil avec nous. Voilà. Mais moi, j'aime bien la meuf qui a été archi malhonnête, qui fait, ouais, c'est quand même dégueulasse, les mecs malhonnêtes. Oui. Alors qu'elle a quand même été trompée son mec avec un autre et. Avec son meilleur pote. Avec le meilleur pote en plus, ouais, ça, c'est grave aussi, ça. Ah non, bah après, il s'est barré, hein. Moi, j'ai élevé l'enfant, et puis voilà, maintenant. Et tu l'as jamais revu, là? Il a quel âge, le petit? L'enfant? Le petit, il a 2 ans. 2 ans, il a jamais vu son père? Si, il voit une fois tous les 6 mois parce qu'il va re-être papa bientôt avec une autre. Oh là, oh, c'est mignon. Mais bon, faut dire la vérité, ça sert à rien de le cacher, surtout que là, il passe à l'antenne, il y a sa copine qui est à côté, enfin... Non mais là il est en mode improbable, Samuel, là. Il est en mode complètement ouf, là. Ouais, c'est vrai que Samuel, c'est un autre level. Moi, je lui conseillerais de dire la vérité, parce qu'un jour, ça se sera et ce sera pire pour les deux. Bah ouais, attends, il y a aussi Mathieu qui est là, de Chartres, dans le 28. Salut Mathieu. Salut. Comment va? Ça va. Bon, allez, hop, sois le bienvenu, Mathieu. Donc toi, tu voulais réagir par rapport à Samuel aussi. Et qu'est-ce que t'as fait comme connerie, toi? Ben, exactement la même chose, sauf que moi, j'ai tout nié. Ma maîtresse est allée voir ma copine pour lui dire, j'ai continué à nier. Et c'est passé, quoi. C'est passé. Comment ça s'est passé? Explique plus en détail, là, parce que je comprends pas le « c'est passé ». Ma copine était sûrement trop naïve et elle m'a cru, quoi. Y a pas eu de problème. Ouais, ou elle était trop amoureuse, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais bon, après. Mais c'est improbable. Donc, c'est-à-dire que la meuf, t'as réussi à l'enfumer. Yes. Mais t'as dit quoi? Génie, tout simplement, génie. J'ai dit, elle est folle, elle est fabule, elle raconte des conneries, quoi. C'est. Comment? Je comprends pas comment ta meuf a réussi à avaler tout ça. Bah non, mais enfin, en même temps, t'as une meuf qui débarque, qui dit des trucs. Non, mais le pire, c'est pas ça, c'est que tu fais un gosse, quoi. Soit tu l'assumes, soit tu l'assumes pas, mais il y a un moment donné, tu peux pas enfumer tout le monde comme ça, quoi. C'est pas, tu vois, c'est pas un jeu, quoi. Ah, mais moi voilà, c'était clair dès le début, hein. Ça va à quoi t'en tenir et. Bah, tu connais pas tu peux pas mettre une capote, je sais pas, c'est ça. Oui, c'est ça, tu pouvais pas sortir couvert. Mais pareil pour tout le monde, là. Jennifer, oui. Marion, tout ça, là. Fais la liste, là. Hein, c'est comment bon. Ça se passe, là. Mathieu, Samuel, là, la hein capote, comment ça se passe au niveau de. Hein, au niveau de la capote, vous avez pas pensé vous êtes dit, oh, c'est pas grave. Les brodeurs des auditeurs, on les met dans les inconscients, Ouais. Le groupe inconscient, ils sont là. Ah, les gars. Bravo, félicitations. Comment ça se passe, là? Ah, non, mais moi, mon fils, je regrette. Non, c'est pas le problème, Jennifer. Heureusement, toi, t'as encore eu la meilleure chose. T'as eu un enfant. T'aurais pu avoir des maladies avec le mec si t'as pas mis de capote. Ah bah je sais, mais bon, après, on est con. Hein. Ah bah je te confirme, là t'as la palme, hein, Jennifer. Hein. Et toi, Marion? Moi, il a fauté, alors je suis pas dans l'histoire. Hein. Oui, c'est vrai, Marion. Pardon. Oui, c'est vrai, Marion, excuse-moi. Excuse-moi. Marion, c'est le groupe victime là, du livre de Ouais, ouais. Marion, t'iras dans le groupe victime, toi, effectivement, et pas dans le groupe inconscient, ouais. Mathieu? Ah, moi je supporte pas ça, je peux pas. Ah, tu peux pas? Et donc, parce que tu supportes pas, tu te dis, bon, c'est pas grave, au pire, j'aurai le sud, c'est rien. Non, après, j'avais confiance, mais moi je peux pas, j'y arrive pas après, quoi, c'est pas possible. Non, mais d'accord, mais à ce moment-là, il faut faire les tests, joue pas avec ta vie comme ça, Matt. Non, mais justement, j'avais confiance, hein, y avait pas de problème. Non, mais confiance, ça veut rien dire, avec une meuf, tu la connaissais depuis combien de temps, la meuf? Ouais, je suis un an. Ah, ça va. Non, mais voilà, quand on connaît les gens depuis un an. Voilà, je la connaissais bien, la personne. Hein. Voilà, sur sa tête, il y avait pas marqué qu'elle était malade, donc ça va. Non, tu la connaissais tellement bien qu'elle a débarqué chez toi avec le gosse en disant que c'était tiens. Voilà, c'est ça. Mais tu devrais essayer avec d'autres capotes, Matt. Il y en a plein des trucs qui existent là, toutes des capotes différentes avec des sensations différentes, tout le bordel. Il y a peut-être une que tu vas kiffer. C'est Manix là. Je sais pas, ils avaient vu leur campagne. En fait, t'as genre 6 fois la pub qui repasse avec une capote différente. Ouais. Bah voilà. Elle est pas mal. Bah essaye là. T'as rien à perdre. Au pire, t'en trouves une qui te va, c'est nickel, au moins t'auras plus de problème. Non, je peux pas, j'arrive pas à avoir une érection avec une capote. Mais ça tombe bien, tu dois la mettre quand t'as déjà la gaule, pas après. Enfin, pas avant. Après, ça redescend tout seul, c'est pas possible. Bah, c'est psychologique, hein. Ah, bah, peut-être, je sais pas, mais c'est comme ça. Bah, va voir un psy, Matt. Ça me ferait chier. Bah, ouais, mais pas plus que de prendre des cachetons à vie, hein, mec. Ah, moi, je dis ça, après, je suis pas ton père, hein, c'est comme tu veux, mais c'est juste con, quoi. Après, je fais attention aussi. Ouais, on va voir un allergologue. Peut-être que c'est qu'un truc. Peut-être, ouais. Mais bon. Enfin bon, voilà, tu fais comme tu veux, Mathieu, mais c'est con de jouer avec sa vie comme ça. On en a qu'une au final. Mais bon. Ça nous éloigne du sujet. Bon, Samuel. Oui. Bon, du coup, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alors, sachant que t'as eu tous les échos de Jennifer, Marion, Samuel, tout ça, là. Comment ça va marcher, là? Ah, bah, je vais aller lui parler, là, après, là. Ouais. Elle est à côté, donc je vais essayer de me poser avec elle et de parler tranquillement et de dire les choses. Bah sinon on l'appelle, tu lui dis en live, hein, comme ça au moins t'es tranquille, tu restes dans la piste à côté quoi. Attends, il y a. Comme ça tu restes barricadé quoi. Moi j'ai peur. Non. Il y a pas de couteau là. Ouais, c'est pas faux. Pas dans la cuisine. Ou alors tu sors, tu dis que tu vas boire un verre avec des potes et puis on l'appelle après. Non, je vais parler avec elle et Elle va te déchirer. Bon, elle va te démonter. Bon, va parler avec elle. Si jamais c'est vite plié, ça m'étonnerait. On te rappelle avant 23h, sinon t'appelles dimanche. Ok, ça marche. Pour avoir quelques réactions quand même, quoi. Non, on va le laisser réfléchir jusqu'à dimanche. Voilà, ouais, on va faire ça comme ça. Bon, salut Samuel, et tiens au courant, hein. Ok, je vous passe le numéro portable. Oui. Ah oui, pour la blague, oui, c'est vrai, oui, effectivement. Oui. Bah, des blagues, on va faire. Hein. Je te renvoie chez Sandro, tu vas gérer ça avec elle. Ok, ça marche. Salut Samuel, à bientôt. Allez, ciao à toi, salut Mathieu, bye bye. Salut. Et merci de passer. Et puis les filles, Marion et Jennifer, merci à vous d'être venues les filles. Et puis gros bisous à vous deux. Bisous. Salut, ciao à vous, bye bye. Allez hop, dans un instant, on va s'écouter. Qu'est-ce qu'on va s'écouter, tiens? Strawberry ou la Jamie? Genre les heures là, tiens, ça me paraît pas mal. Juste après, on fera quelques petits appels. Oh oui. Hein, pour vérifier si Top arrive toujours à draguer, évidemment. Que je trouve l'amour pour le week-end. C'est ça, on fait ça dans un instant. Et la vidéo de la fille là qui se crame les mains en chantant dans sa salle de bain avec son fer à cheveux là, n'hésitez pas à aller la voir et à aller la partager avec tout le monde là. C'est sur facebook.com/MickaelOfficiel que ça se passe. Et puis c'est Mickaël No Limit là, on est toujours ensemble jusqu'à 23h. Profitez-en. On est là avant Party Fun et Major Lazer maintenant, c'est Watch Out For This. Allez, bienvenue sur Fun Radio, là, 22h30, plus que 30 minutes d'émission, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 23h. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Ouais, et pour venir parler avec nous, là, jusqu'à 23h, là, vous prenez le contrôle, vous appelez le standard, on vient de donner le numéro, il n'y a plus qu'à le composer, n'hésitez pas. Il y a Loulou qui dit, j'adore comment elle gueule la meuf sur la vidéo, là. Bah, oui, je te confirme, c'est-à-dire que comment elle crie, là. Elle a dû défoncer. Mais évidemment, c'est-à-dire qu'elle prend le fer, là, super chaud, là. C'est la vidéo que je viens de vous mettre sur le Facebook, là. Enfin, que je viens de vous mettre, il y a à peu près 10 minutes. facebook.com/MIKL officiel, allez voir. Il y a Coralie qui dit mort de rire la vidéo que Mickaël a postée. Je peux plus m'arrêter de me marrer là. Victor aussi qui dit vous êtes top les gars, je vous écoute tous les soirs en geekant, vous me faites trop marrer. Merci à vous. Merci à toi Victor. Florian aussi qui dit elle c'est pas la chance qu'elle a de se brûler. Il connaît pas la chance qu'elle a de se brûler avec un sèche-cheveux. Évidemment. Tu te rends compte de la chance que t'as ? Voilà, elle s'en rend pas bien compte effectivement. Ouais. Bon, en parlant de chance là, on va voir si tu vas en avoir Toff là avec la drague. Hein. Mais ouais, la chance c'est la bonne. Ouais, c'est maintenant, c'est là. Avant de prendre Camille, là. T'es là Camille de Toulouse. Camille ? Oui, je suis toujours là. Très bien. Alors Camille, est-ce que toi aussi tu es attirée par les hommes drôles ? Uniquement drôles ? Ah oui, énormément. Ah, et est-ce que Toff, avec des blagues à la con comme il fait depuis le début, pourrait éventuellement... Oh non, pas la chaise. Non, j'en ai une meilleure. C'est deux pianos qui se rencontrent. L'un dit « Salut, ça va ?» et l'autre lui répond « Non, j'ai mal au dos. » Ah, oh là là. Ah, t'as vu, ça la fait rire. Oui, mais Fikiri ne veut pas forcément dire au lit. Oui, c'est vrai. Bah, à moitié. Ah, bah, peut-être pas non plus. On peut se rencontrer, Camille. Bon, écoute. Prendre un verre. Camille. On se raconterait des blagues. Voilà, mais tu peux dire non, il n'y a pas de problème, on va quand même te garder à l'antenne, surtout, t'inquiète pas. Bon, on va appeler maintenant pour faire une petite blague, on va voir, hein, Camille, on va voir comment ça va se passer. Allez. Voilà. Et puis juste après, Camille, là, donc, qui est hétéro, mais elle est attirée par une fille, donc elle voulait avoir des conseils. Donc, si vous en avez, hein, 01 42 48 5000 pour la France et 02 851 4x0 pour la Belgique. On y va, c'est parti. Hop. Je sais pas où on appelle, mais on appelle et on va voir si Tov va se prendre un vent ou pas. Bon, il y a de fortes chances, hein. M'inquiète pas des masses à ce niveau-là. Salut Chabot, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, je vous écoute, monsieur. Oui, voilà. Est-ce que vous savez ce que disent deux asticots qui se retrouvent dans une pomme? Tiens, je savais pas que vous habitiez le quartier. C'est très très drôle. Ah, c'est vrai, ça vous a fait rire? Je peux pas dire que ça m'a vraiment fait rire, mais bon, c'est pas méchant. Bon, allez, quel est le comble pour un schtroumpf? Je ne sais pas, mais quel est... Attendez, quel est le but de votre appel, monsieur? En fait, voilà, j'avais envie de vous faire rire parce que j'ai vu un reportage sur M6 qui disait que les femmes étaient faites pour aimer les hommes marrants. Et donc je me dis, comme je suis un peu drôle, on pourrait peut-être se rencontrer. Oui, mais encore? C'est un âne qui rencontre un autre âne dans un pré. Non, attendez, j'ai pas trop le temps là, j'ai un petit peu de travail. C'est quoi ton nom? Bob dit l'âne. Oh là là! Oui, ça vous a un peu fait rire. Non, ça m'a pas fait rire du tout, je voudrais bien ne pas perdre mon temps et ne pas vous faire perdre le vôtre. D'accord, est-ce que vous savez pourquoi les pépus? Non, mais pourquoi ça les sourds puissent en profiter? Écoutez, est-ce que le but c'est que je vous raccroche au nez, c'est ça? Mais pas du tout, le but c'est qu'on se rencontre, madame. Non, mais je vois pas. Moi je vous connais pas, je rencontre pas les gens au téléphone. Je vais vous laisser, monsieur, parce que j'ai du travail. C'est pour qu'on se rencontre en vrai. Ben écoutez, trouvez un autre moyen parce que là ça va pas marcher. Est-ce que vous connaissez la capitale du Tamalou? Au revoir. Ben j'ai mal à Tamalou. Oh, c'est dur. Tu vois, finalement, hein, on le disait, Camille, c'était pas facile, hein. Oh, putain, le clash. Ah ouais, ouais, gros, gros clash, je te confirme, effectivement. Enfin, bon, on appellera d'autres personnes tout à l'heure, là. Bon, alors, Camille, parlons de choses sérieuses maintenant. Donc, toi, t'es hétéro, mais t'es attiré par une fille. Alors, explique-nous un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. On veut tout savoir. C'est bon. Alors, ouais. Au départ, donc, je suis 100% hétéro. Enfin, bon, du coup, c'est ce que je croyais. J'ai toujours été attiré par des mecs. Enfin, toutes mes potes, elles m'ont toujours dit que je me tapais des Beckham. Elles appellent ça des Beckham, c'est des beaux gosses. Oh, ok, là, d'accord, on a compris, hein, Camille, t'étais une petite bimbo là. Ah non, tellement pas, non, vraiment pas. Ouais, moi je ressemble à un chameau, hein, je comprends pas pourquoi je me tape des Beckham, enfin des beaux gosses, tu vois, des BG. Non, non, ça va, ça va. J'ai pas trop à me plaindre, ça va. D'accord. Et du coup, il y a un mois, j'ai rencontré une fille dans un bar sur Toulouse, ouais. Dans le centre-ville, qui elle est lesbienne 100%. Et depuis, c'est juste hyper ambigu. Donc je sais pas trop quoi faire. Alors, une petite question, c'est-à-dire c'est ambigu. Pourquoi tu prends une voix de pervers comme ça quand tu parles? C'est dingue ça. C'est dégueulasse. Bah ouais. Pas du tout. Pourquoi non, non, c'est non, ambigu, mais. Sur quel sujet? Non, mais ouais, pourquoi c'est ambigu? Ouais, effectivement, disons qu'en fait, est-ce que t'as juste envie parce que tu trouves la fille jolie et que tu te dis, tiens, j'ai jamais essayé, on va voir? Ou est-ce que t'as peut-être au final vraiment envie d'une relation homosexuelle pour essayer? Elle m'a dit que je lui plaisais, mais moi le truc c'est que je sais très bien que je vais certainement pas l'assumer quoi. Et j'ai toujours. C'est-à-dire qu'est-ce que tu ne vas pas assumer? Bah le fait de me sortir avec elle dans la rue, de me dire voilà, t'as peut-être eu une relation une fois dans ta vie avec une nana. Enfin, ça fait pas de moi quelqu'un de goudou, ils appellent ça des goudous. Donc ça serait bien d'y goûter un peu quand même. Goudou. Tu veux venir? Ah d'accord, ok, pardon, j'avais pas compris que c'était une vanne. Autant pour moi. Suivez un peu les gars. Autant pour moi, non, autant pour moi. Vous êtes touché. Il est autant pour moi. Ah oui, il est au taquet, là, t'inquiète pas, il est en chien là. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va passer le week-end tout seul comme une merde. Donc il est en chien, il essaye et ça ne marche pas là. Tu sais que je vais finir sur la béquille encore. Ouais, c'est ça. Et vous avez fait des trucs ou pas? Ouais, pour l'instant vous avez fait quelque chose? Non. Non, on a rien fait. Vous êtes même pas embrassé un peu? Non. D'accord. Non mais l'autre, il a vraiment envie de te faire un film, lui. Non mais... Va voir XXL, là, je crois qu'ils font des trucs là-dessus. Attends, le sujet m'intéresse. Non mais ça, j'ai bien compris, ouais, j'ai bien vu. Cette jeune fille. J'ai bien vu. Bon, et donc Camille, quel est ton problème au fait aujourd'hui? C'est que t'as envie d'essayer, mais t'oses pas, ou c'est quoi l'histoire? Oui, voilà, j'ose pas, je me dis, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Elle est à fond, quoi, elle est déjà... Bah, tu vas peut-être prendre ton pied, va savoir. Oui. Oui, mais bon, le truc, c'est que du coup, ça remet en cause... mes orientations sexuelles. Mais non, c'est pas parce que c'est pas parce que tu roules en Citroën que t'as pas envie d'essayer de rouler avec une Audi un jour, quoi. Mais oui, hein, c'est pas pour autant que t'as pas Citroën. Mais oui, tu vois. Et puis je serai là si tu veux. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as raison. On va filmer, on va faire un reportage. Mais non, mais tu te verrais demain, arrêter avec les hommes. Ah non, mais pas du tout. Mais bah pas voilà. Du tout. Bah mais alors. Le truc c'est qu'en fait ils m'attirent toujours autant. Enfin, je mais suis. Oui. Non mais voilà. Mais après, c'est juste après une expérience en fait. C'est ça, c'est une expérience. Il y a pas de souci. Attends, on va prendre Manon qui est avec nous. Tiens, qui a 20 ans. Salut Manon. Salut Manon. Comment ça va? Pourquoi tu fais la voix de Toff? Je me transforme en Toff. C'est ça. C'est parce qu'il me kiffe. C'est pour ça. Ouais, t'as raison. Bon, t'es là Manon. Quelle est la taille? Oui. Bon, sois la bienvenue Manon. T'appelles de la Manche, toi, c'est ça? Oui. Bon, bah bienvenue. Tu voulais réagir à Camille? Oui. Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Toi, il t'est arrivé la même chose? Explique-nous tout. Ah non. Comment? Il m'est pas arrivé la même chose. Ah, bah qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Je voulais juste donner un avis. Parce que j'ai une copine qui est pareil. D'accord, vas-y, alors fais péter. Alors, elle a essayé avec les deux. Ouais. Et puis, bah, elle a choisi ce qu'elle préférait. Et d'accord. Alors elle a choisi. Et donc, elle a choisi les filles ou les garçons? Les garçons. Elle a choisi les garçons, d'accord. Dis-moi, t'es dans quelle année, Manon? T'es dans quelle année, Manon? Vérification, là. Oui. T'es dans quelle année? Mais attends, réfléchis en même temps, là. À trop. Trop ambice. Non, parce que t'as une voix qui est quand même très, très, très jeune pour 20 ans, quand même, Manon. Hein. Hein, Manon? Elle a 12 ans, non? Hein? T'es dans quelle année? 1990. 90, ah ouais, ça rentre pas dans la case, hein. Ouais, c'est ça, parce que t'as 20 ans là. Il y a un problème, ouais, ça doit quand il y a un, on est en 2013 et quand t'as un chiffre rond, la 20, normalement, ça doit finir par 3 l'année, hein. Ça, c'est obligatoire. On n'a pas d'autre choix. Ça, c'est, enfin, c'est pas grave après, hein. Donc, elle a choisi les filles, alors, c'est ça? Oui. Très bien. Et ben, donc, tu conseilles quoi à Camille? De choisir les filles aussi? Bah, ce qu'elle préfère. Oui, dans l'idée, effectivement, hein, c'est pas con, hein, mais pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt les mecs. Hein. Note, tu n'as pas encore essayé les filles, Camille. Ça se trouve, tu as peut-être changé complètement d'avis. Hein. Mais non, j'ai pas changé d'avis. Elle me plaît, c'est clair, mais visiblement, bon, voilà, c'est pas encore. T'es pas encore décidé, mais peut-être que tu vas te lancer un jour et tu vas peut-être surkiffer les filles, on peut pas savoir. Et puis c'est pas parce que tu broutes un minou un jour que tu dégorges un puits de poireaux dans ta vie. Merci Toff. Et comme dit le proverbe, broute minou un jour. Merci, ça ira, Polo. Bon, Manon, merci à toi en tout cas d'être passé. On aura Kerry aussi dans quelques instants. Là, t'es là, Kerry? Je suis là, je suis toujours là, ouais. Très bien. Toi aussi, tu voulais donner un petit conseil à Camille dans un instant? Oui, voilà, un petit conseil, pourquoi pas. Bon, bah, très bien. Et alors, dans un instant, j'ai du son pour vous, là. Qu'est-ce que vous préférez? Il y a Doc Sauce. Voilà, qui va arriver dans un instant là, ou alors Showtech avec Slowdown. Alors, qu'est-ce que vous préférez, les filles? Moi, Doc Sauce. Doc Sauce, et toi, Kerry? J'ai pas compris en fait. Ah bah, il y a Showtech ou il y a Doc Sauce, tu préfères lequel? Le morceau qui deuxième. Est là, là le deuxième, le deuxième, ouais. Ah merde, putain, ça sort merdant ça, parce que là, merde, du coup, ça fait un des deux là. Bon, du coup, départagez sur Twitter là, il faut départager là, vous mettez le hashtag et Mickaël. Alors, soit c'est Doc Sauce, soit c'est Showtech. Voilà, vous mettez hashtag et Mickaël, espace le son que vous voulez écouter, puisque bah, il y a Camille qui veut Doc Sauce et puis il y a Kerry qui veut Showtech. Bon, allez, je suis Camille. Non, mais on va voir après, on va laisser les auditeurs sur Twitter de se décider, pas de problème les filles, vous bougez pas. Allez, ça marche, à tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Bah, tout de suite, on va te reprendre dans un instant, t'inquiète pas. Allez, vous lâchez hein, sur Twitter le hashtag et Mickaël. Puis vous mettez Doc Sauce pour écouter Doc Sauce, hein, c'est ça Doc Sauce. Voilà, et puis pour Showtech c'est ça. Voilà, choisissez, à vous de gérer dans un instant sur Fun Radio. Et puis bah, vous balancez vos messages et on revient dans un instant. Mickaël No Limit sur Fun Radio avant l'arrivée de Party Fun à 23h. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Tous les soirs 20h-23h, Mickaël, No Limit sur Fun Radio. On est là sur Fun Radio, allez, dernière ligne droite avant de retrouver Party Fun, ce sera 23h. Mais attends, on a encore des trucs à faire. Il y a Camille, il y a Julien, il y a Kerry, il y a Tassé également qui voulait venir réagir. Et puis on a surtout aussi la vidéo des escargots d'hier soir, là, le test sur le visage de Toff et de Sandro, des escargots, pour voir si la peau est plus belle. Elle est plus belle ou pas la peau? J'ai la peau tellement douce aujourd'hui. Ouais, bah donc ça n'a pas marché. Bon, il y a la vidéo donc à aller mater maintenant sur le Facebook si vous voulez, facebook.com/MIKL officiel, allez-y. Et puis bah, je vous avais demandé hein, puisque Camille voulait écouter Doc Sauce, et puis Kerry voulait écouter donc Showtech avec Slowdown, et donc je vous ai demandé de départager sur le Twitter pardon, là, avec le hashtag Mickaël. Et donc qu'est-ce qui en sort là? C'est Showtech, c'est Showtech. Allez, bah, c'est parti. Alors Showtech maintenant sur Fun Radio là pour terminer cette soirée Mickaël No Limit avec vous toutes et vous tous en direct là sur Twitter avec le hashtag Mickaël, sur Facebook également Mickaël officiel, et puis sur Instagram également avec plein de photos là qui sont disponibles. Là aussi vous tapez MIKL officiel pour venir nous rejoindre. Et puis bah, si vous n'avez pas internet, il y a toujours le numéro de téléphone évidemment, 01 42 48 5000, et 02 851 4x0 pour la Belgique. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 23h. No Limit 20h-23h, c'est Mickaël No Limit. Yes, sur Fun Radio, on est là en direct avec vous toutes et vous tous, là dans toute la France, dans toute la Belgique, jusqu'à 23h sur Fun Radio. Ouais. À 23h, ce sera l'arrivée de Party Fun, donc restez bien branchés, hein, ce sera toute la nuit jusqu'au morning, demain matin, 6h, évidemment, comme chaque matin. Plein de messages qui sont arrivés aussi par rapport à Camille, mais avant cela, on va quand même d'abord faire encore un petit appel, un petit dernier là, un petit appel pour les blagues, d'accord Camille? Parce que comme elle avait l'air fan des blagues justement, Camille. Oui, je suis là, ouais. Bon, on fait encore un petit appel pour Toff pour lui faire plaisir, histoire de pas tuer son week-end. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti, on attend l'accord, donc c'est parti, on y va, on appelle. Je sais pas où on va, mais on appelle. Vérification, donc, si effectivement il peut arriver à pécho juste en faisant des blagues. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, est-ce que vous connaissez l'histoire de la chaise? Non, je ne connais pas. Ah, c'est... Bon, de toute façon, j'ai pas le temps de vous raconter, elle est trop longue. Alors, est-ce que vous savez ce que se disent deux vers qui se rencontrent dans une pomme? Tiens, je savais pas que t'habitais le quartier. Elle est bonne. Ah, elle vous a fait rire? Énormément. Ah. Je m'esclave. C'est vrai? Bah, c'est gentil, parce que, en fait, voilà, moi j'ai vu un reportage qui disait que les femmes étaient programmées pour aimer les hommes marrants, et donc maintenant que je vous ai fait rire, on peut peut-être se rencontrer. Ah, ben, excusez-moi, mais je suis déjà en main. Ah oui, mais peut-être vous savez comment on sort de la mer Rouge? Non plus. Bah, mouillé. D'accord. Ah, bah oui. Oui, qu'est-ce qui est jaune, noir et très dangereux? Quoi? Hein, vous savez ce qui est jaune, noir et très dangereux? C'est moi. Non, un poussin avec une mitraillette. Ah oui. Ouais. Je connais toutes. Avec... Ah oui. J'ai oublié toutes celles-là. Ouais. Et vous savez ce qui est jaune, qui vole et qui pèse 3 tonnes? Eh ben, un éléphant... Mais non, un canari, mais un gros. Oh là là. On est top, là. Ah, c'est vrai. Bon, alors, on peut se rencontrer. C'est ça. C'est vrai? Vous avez rien d'autre à faire, c'est vrai? C'est comme ça que vous draguez? Bah oui, parce qu'on m'a dit que bon voilà, les femmes aimaient les hommes marrants, donc du coup je me disais que peut-être... Ouais, mais c'est, de raconter les blagues des autres, c'est pas très marrant, hein. C'est vrai, mais vous savez, la seule chose tout qui... Tout le monde n'est pas là, c'est de la répartie, c'est drôle dans la vie, hein, de raconter des histoires drôles, c'est trop facile. Mais je l'ai déjà donné sur l'USZ, déjà, les hommes drôles. Ah oui, c'est vrai. Ça fait un sérieux. Ah, vous voulez un sérieux? Ah, je suis déçu. Parce que moi, j'avais encore une petite blague. Quelle est la seule chose qui arrive à la cheville de Chuck Norris? Je ne sais pas. Bah, sa chaussette. Oh. Ah, bah, vous voyez que c'était évident. Donc, il est évident qu'on se rencontre. Ou pas. Bah, bien sûr, bah, rendez-vous en haut de la Tour Eiffel d'ici un quart d'heure. Eh bah, écoutez, j'arrive, je pars tout de suite. Eh bah, ben, à tout à l'heure. Bye. Ah, bah, ça y est. Oh, putain. Hey, t'as vu Camille, il a réussi à avoir son encart, hein. Wow. Bon, je pense qu'il va se retrouver tout seul en haut de la Tour Eiffel dans un quart d'heure, mais... Je pars tout de suite. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vas te retrouver tout seul comme un con, et c'est surtout ça qui va t'arriver, toi. C'est ce qui te pendait, ouais. Heureusement qu'elle était pas loin, hein, parce qu'elle avait rendez-vous à Bordeaux, j'aurais eu plusieurs fourriettes dans c'est un quart d'heure. Clair. Bon, dans un instant, on aura le tirage au sort aussi pour le ou les gagnantes pour Ibiza. Avant ça, Camille de retour avec, son problème, elle est hétéro, et elle est quand même attirée par une fille, donc elle sait pas trop si elle doit y aller ou pas. Kerry qui nous avait donné son avis également. Là, on a Julien avec nous du Havre. Salut Julien. Salut. T'appelles pourquoi toi Julien? C'est pour dire à Camille que parce qu'en fait moi je suis gay et puis ouais. J'ai un pote hétéro qui me connaît depuis tout petit. Ouais. Et ça fait que 2 semaines on sort ensemble et comment dire ça fait depuis hier on le montre à tout le monde qu'on est ensemble. Ah bah t'as fait ton coming out. Putain. Ouais. Eh ben ça y est, c'est bien, félicitations. Merci. Ah tu te sens plus léger là? Oui, carrément. Bah tu m'étonnes. Bah oui, ah, non, mais c'est vrai. Oui. Bah évidemment. Ouais. Bon bah très bien. Et alors du coup tu donnerais quoi comme conseil à Camille, toi? Qu'il faut qu'elle essaie de trouver sa voie, qu'elle se bloque pas en fait. Bah là sa voie visiblement elle l'a trouvée, tu vois. Elle hésite pas entre devenir Gwyn ou rester hétéro. Elle est juste qu'elle est attirée par une fille, voilà, c'est la première fois, mais elle aime bien les mecs quand même. Ouais, elle se demande juste le goût que ça, quoi. Ce qu'il faut qu'elle essaie de faire, c'est... Faut qu'elle essaye de faire avec la fille, parce qu'au début j'étais attiré par les filles et tout, et puis bah j'ai trouvé que ça, oh merde. Mais t'avais pas envie quoi. J'avais pas envie que ça m'attirait pas et tout, et puis bah là j'ai trouvé l'homme qu'il me fallait, et puis bah je suis ensemble, et puis c'est bien, je suis ensemble. Tu es avec lui, on est ensemble. Oh, il est perturbé, c'est pas grave. Attends, Julien, il vient de faire ce coming out hier et tout, là, attends un peu. Bon, il y a un message de Mylène aussi qui dit faut qu'elle essaye, elle verra bien, au moins ça lui fera une expérience et elle n'a rien à perdre. Il y a aussi Dan qui dit quand certains hommes comptent leur conquête, tof contre Serato. C'est vrai, c'est bien dit en plus, effectivement. Et c'est beau, c'est beau. Bon, attends, il y a Tassé aussi qui est avec nous. Salut Tassé. Tassé? Ou taqué, comme on dit? Tassé. Tassé. Non, en fait, il en avait tassé, il a raccroché. T'as qui? Allô, comment tu t'appelles? Tacy. Tacy, ah ok, Tacy. Ah oui. Tacy, tu donc t'es pas là-bas. Tu. Oh putain. Oh, là. C'est très, très bon, Tacy, tu nous appelais pourquoi? Oh merde. Bah pour dire que bah pourquoi? Attends, vas-y. Allez, vas-y. Tu vas y arriver. Vas-y, Tacy. Pour dire que pareil que la première personne, là, que j'étais gay. Ah, t'es gay, toi? Mais t'as quel âge? 15 ans. T'as 15 ans? Oui. Et tu sais déjà que t'es gay? Oui. Ah bon? Ah bon, j'étais gay. Tu étais gay? Oui. Mais aujourd'hui, plus? Non. Ah, t'as changé d'avis, comme ça? Non, mais c'est ça, t'as changé d'avis? Oui, j'ai voulu essayer, comme ça. Mais... Ouais, donc t'as essayé avec un mec, et puis à 15 ans, c'est normal. Et puis, et puis là, tu t'es dit, bah, en fait, finalement, non, et donc je préfère rester hétéro, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, c'est parce qu'il était pas Tay, si sûr. D'accord, ok. Et voilà, donc, du coup... Il s'est appelé donc à 22h50. Ouais, et donc, Tessie, donc du coup, toi, tu conseilles à Camille de faire quoi? D'essayer, quoi? Comme toi? Oui, à dessiner, ça peut toujours donner quelque chose, quoi. Bah, ouais, bah, bien sûr. Ah, là, bah, oui, ouais, bah, bien sûr. Bah, voilà, bah, écoute, justement, Camille, tu savais pas, donc maintenant tu sais, tu vas essayer, quoi. Bah, oui, là, ça y est, là, pour le coup. En fait, j'ai du scoop, hein. J'ai du scoop, elle arrive dans 35 minutes. Oh, ah, merde, on sera plus là. Merde, Camille. Bon, on te rappelle dimanche soir, toi, par contre, hein. Ah, bah là, je te confirme. Bah, on va te rappeler dimanche soir pour en savoir plus, hein. Je te le dis direct, hein. Oui, bah, y'a pas de soucis. Ah, bah, j'espère bien. Bon, bah, Kiri, Tessie et Julien, là, bah, merci à vous d'être passés, hein. D'accord. Ouais, Tessie. Oui. Oui. Mais elle a 12 ans. Tessie, t'es passée sur l'antenne, tu rappelles plus le standard, je te préviens. Non, mais voilà, mais Tessie, je te disais. T'es passée, maintenant tu nous laisses tranquille. Je te disais merci, Tessie, d'être passée. Bon. Ok, alors. Je propose qu'il... Parce que je vais les laisser retomber, là, pour que ça rebondisse. Moi, je propose qu'il y retourne, là, Tessie. Voilà. C'est bon, ça, dis donc. Oh là là. Bon, Kerry et Julien, mais merci à vous deux, en tout cas, d'être passés. On a été au top, là, ce soir. Hein. Ah ouais. Kerry et Julien, merci à vous d'être passés. Vous revenez quand vous voulez. Allez, okay, bisous! Merci. Salut, ciao à toi et Camille, bah, gros bisous et puis hey, Camille, nous t'inquiète pas. Hein, Camille. Bah non, on va pas dire. Ah, tu l'appelles dimanche soir? Non, moi je veux qu'on me rappelle dimanche soir. Mais bien sûr qu'on va t'appeler, qu'on va t'appeler dimanche soir, Camille, là. Plutôt deux fois qu'une, t'inquiète pas. Super! Il faut pas que Toff oublie ce qu'il m'a promis. Hein. Qu'est-ce qu'il a promis? Ah oui, que tu viennes dans les studios, ouais, mais ça c'est pas un problème ça. Ah, t'inquiète, je prendrai soin de toi quand tu viendras. Bah oui, avec plaisir. Oh là là. Je serai là. Je te raconterai des blagues toute la soirée. Mais t'inquiète pas, Camille, pendant que Toff prendra soin de toi, Polo et moi, on te protégera de toutes ses vannes et de son côté dégueulasse. Ah ouais, je sais bien. Quel gentleman. T'as vu un petit peu, là, nous sommes un petit peu les bodyguards. Tu vas voir. Bon, bah, salut Camille, hein, puis, bah, amuse-toi bien avec madame, hein. Merci, bonne soirée. Salut, bonne soirée. Bisous. Bisous. Salut Camille, bisous. Ciao à toi, bye bye. Bon, et là il est l'heure, d'appeler le gagnant ou la gagnante, là. Celui ou celle qui va partir direction Ibiza. Allez, c'est parti. Vous avez été nombreux à jouer tout au long de la semaine. 5 ont été tirés au sort tout au long de la semaine, justement, un dimanche, un lundi, un mardi, jusqu'à aujourd'hui. Ils sont tous repartis avec une caméra numérique qui pourra filmer leurs vacances ou n'importe quoi d'autre. Et puis il y en a un qui va pouvoir filmer aussi son trip à Ibiza. On en offre une à Camille de caméra pour filmer n'importe quoi d'autre. Une GoPro. Ça aurait pu, ouais, bah, une GoPro plutôt, ouais. Allez, c'est parti. On appelle maintenant quelqu'un là pour Ibiza. Un des 5 gagnants qui est en stress. Ouais. Qui est là, il écoute la radio, il se dit. Si mon téléphone sonne, ça va être la folie totale. Ou pas? Ouais. Donc là maintenant, j'attends. On attend. J'attends. T'attends quoi? Bon, je sais pas, j'attends. C'est juste pour mettre un petit peu le suspense, là, pour ceux qui, bah, une chance sur 5, quoi, finalement. C'est quand même pas mal. Une chance sur 5 d'en partir direction Ibiza pour aller à la fac Miami Famous avec la personne de son choix. Allez, c'est parti. On y va. Ça compose. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond, répond à rien, en fait, tu sais plus de questions là, ce sera gagné, attention. Si ça sonne chez vous là. Oui. Allô Julie. Oui. Tu pars à Ibiza, Julie. Ah bah voilà Julie. Ah bah Julie, faut pas pleurer sinon je file le cadeau à quelqu'un d'autre, hein. Non, parce que si t'es triste, moi tu me dis et t'inquiète, hein. Moi je file à quelqu'un d'autre, il y en a plein là. Hein. Bon. Bon, Julie, tu sais pas avec qui partir, c'est ça ton problème? Je suis là. Ouais, je sais pas. Ouais, et parce que t'imagines que t'es obligé de partir avec Toff, c'est pour ça que tu pleures? Non, j'aime bien ces blagues, il me fait trop rire, ça me dérange pas. Oh là là, victoire deuxième, Julie, là. Bravo Toff. Allez, je vous en fais une dernière pour la route. Non, non, non. Pour passer un bon week-end, vous savez. Oh, pour s'endormir, un mouton ne peut compter que sur lui-même. Oh, qu'est-ce qu'elle est nulle. Bon, bah, Julie, donc tu pars à Ibiza avec la personne de ton choix. Et puis, bah, avec la caméra, ça, on te l'avait déjà filé, et pour toi, ça s'est fait, on va pas te la reprendre. Et puis, bah, surtout, tu vas aussi assister à la Fuck Me I'm Famous. Et ça, c'est du lourd. C'est trop bon, merci. Ça, c'est du très lourd. Bah, voilà, écoute, Julie, je suis content que ça te fasse plaisir. Et puis, bah, tu restes au standard, on va prendre toutes tes coordonnées, on va t'expliquer comment ça marche, d'accord? Allez, vas-y, tu peux le faire, toi. Et bah, je fais un gros bisou à la personne qui me reconnaîtra. Voilà. Voilà, moi, c'est une bonne dédicace. On a droit à une personne. Exactement. Exactement, tu as bien fait, c'est bien Julie, voilà. c'est bien. Bon bah bravo c'est à toi. Bon, merci. Bah je t'en prie, y a pas de problème. Et puis bonne nouvelle également, la semaine prochaine on remet le couvert des dimanches, on vous envoie encore direction Ibiza, bah comme ça vous pourrez peut-être partir avec Julie. À Ibiza, c'est pas mal ça. Bah j'imagine. Quand elle veut, moi je pars. Ouais, ouais, j'imagine aussi. Bon bah gros bisous Julie, puis Sandra elle a déjà reprise, tu sais, ouais, j'ai même pas l'occasion de lui reparler moi, Julie a directement la prise. Eh mais enfin bon, il est l'heure là, 23h01 là, hein. Comment vous expliquer que je fais une minute de rab là. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ben allez, gros bisous, Julie. À bientôt sur Fun Radio. Salut, ciao à toi. Salut. Allez, bye bye. Ah bah, ça fait plaisir de terminer sur une note positive comme celle-là, tiens. Bon, dans un instant sur Fun, Party Fun, évidemment. Et puis on se retrouve, nous, demain à partir. Non, pas demain. Pas demain, non, c'est l'automatisme. Dimanche, ouais, à partir de 20h sur Fun Radio pour une nouvelle édition de Mickaël No Limit. Ouais. En attendant, n'oubliez pas de prévenir vos potes. On est là tous les soirs, dimanche, jeudi, 20h, 23h, pendant tout l'été sur Fun Radio. Et puis n'oubliez pas également d'aller voir la vidéo de la meuf qui se brûle les mains, là, sur le Facebook. Et pareil aussi, la vidéo avec les escargots. On a testé ça hier dans l'émission. La vidéo est disponible donc sur facebook.com/mickaël officiel. Bah, bon week-end, Apollo. Merci, toi aussi. Ah bah, bon week-end à Toff également, là. Mais oui, je pars immédiatement à la Tour Eiffel. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis bon week-end à Sandro, là. Ah, elle a du boulot, bon là. Week-end, pour une fois qu'elle bosse. Attends, j'ai Julie en pleurs au téléphone. En pleurs, tu l'as raccrochonné? Non, je lui ai dit au revoir. Ah ouais, d'accord. Mais bah ouais, tu pleures, ouais. Et casse-toi. Bon, allez, passez un bon week-end. Bonne fin de semaine, bon week-end. Tu vas faire quoi ce week-end? Rien de faire chier, je vais remplir mes fiches cadeaux. On a rendez-vous avec Sandro, on va en boîte de night. Ah, t'as un rencard? Ouais, c'est bon ça. Elle doit aller chercher sa 5e carte bleue parce qu'elle a fait 18 faux codes. C'est vrai. Bon, allez, amusez-vous bien en tout cas. Bon week-end, profitez des vacances, profitez du week-end avec la chaleur et tout. Amusez-vous bien et on se retrouve lundi. Dimanche. Oh, je vais y arriver, moi, entre demain et lundi, moi, je suis complètement à côté. Dimanche à partir de 20h sur Fun. Mickaël, No, tous les soirs, 20h-23h, sur Fun Radio. Fun Radio. Exactement, et puis dans un instant, c'est Adrien avec Nicky Romero là pour Party Fun. Et puis bah on se retrouve, je le disais justement, hein, ce sera dimanche à partir de 20h. Allez, salut tout le monde. Salut. Allez, au revoir. Yes, merci Mickaël et toute l'équipe de Mickaël No Limit sur Fun Radio. C'est Adrien Thomas, super content d'être là avec vous. On passe la nuit ensemble sur Fun Radio jusqu'à 6h du matin tout à l'heure. Je prendrai les platines dès 1h du mat. Et là tout de suite, c'est Nicky Romero, DJ résident Party Fun, qui prend les commandes de Party Fun sur Fun Radio. Bonne soirée. Party Fun avec Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Si t'as pas de Sam, t'as le son. Fun. Fun Radio.